Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 55e épisode du podcast du collectionneur. Et vous savez pas pourquoi je me marre parce que je vous ai pas mis Discord. Voilà, ça va aller mieux. C'est bon, vous êtes là. Bonsoir les enfants. Buenas tardes tout le monde. Et ce soir, pour ce 55e podcast, nous allons vous parler de quelque chose de très intéressant. Alors je vais le dire exactement comme notre cher ami Moa avait prévu de le dire, à savoir... Bloodborne et Dark Souls ont-ils inventé la difficulté dans le jeu vidéo? Oui, voilà, ouais, on peut le... C'est ça que j'avais en tête, ouais. On va profiter de la sortie donc, du nouveau From Software cette semaine, le bien nommé Sekiro. Sekiro voilà. Non, c'est pas pour, espagnol du tout, en fait, en vrai. Mais... Pour évoquer la, tout simplement la gestion de la difficulté de... Detrazetti, imbécile. La gestion de la difficulté dans les jeux, voilà. La Dark Soulisation des jeux. Très important. Dark Soulisation du jeu. Oh, Dark mais non. Du jeu. Non, on parlera d'un temps que les gens qui n'ont pas joué à Dark Souls connaissent. Et peut-être. En fin d'émission, seconde partie de podcast, pendant la seconde heure, elle nous présentera un jeu. Non, c'est Bozdik, t'as pas reçu le mémo ? Non, ça marche pas. Ah non, je sais pas. Non. Bien. On sait pas de quoi tu vas parler, mais j'ai peur. Ah non, il va pas avoir peur. Hein. Moi je sais. Ah moi bon. J'ai entièrement confiance en Petite Pelle. Il ne me décevra pas. Pelle PC Engine, Shoot Them Up, Toilet Kids, non? Ça serait plus moi. J'avoue. Oui, ouais, c'est plus mon style de jeu à moi. Mais avant de vous parler de difficultés dans les jeux vidéo, on va faire le petit tour des news habituelles. News. Avec pour commencer encore cette semaine, je dis encore, ça devient une habitude depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, il y en a un nouveau jeu qui fait surface, un jeu NES ce coup-ci, yep. Une réalisée et un jeu de catch, monsieur Chou. Ouais, alors c'est pas moi qui ai trouvé l'info, c'est notre ami The Mike. Alors, s'il s'agit donc d'un jeu... que là-bas j'ai cru que c'était un jeu avec la licence WCW, mais non, c'est un jeu qui, comment dire, dans le jeu il y a des catcheurs de la défunte World Championship Wrestling, et c'est un jeu qui date de 89, alors attention, hein, ça a pas l'air fou, par contre, pour de la NES, j'ai vu bien pire, quoi. Après, ça reste... à tester, la personne qui a découvert le proto dit qu'elle va bientôt mettre la ROM en ligne, bon, pour ceux qui voudraient tester éventuellement. Et donc ce jeu s'appelle UWC, il me semble, ouais, c'est ça. Universal Wrestling Corporation, voilà. Un nom tout, pas forcément okay. Attractif. Donc, mais voilà. Si vous voulez aller voir ça, j'ai mis le lien dans le chat. Ça un nouveau marche. Jeunesse. Et donc c'est un jeu qui était sorti par un studio japonais qui s'appelle Seta. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait d'autre. Des cigarettes. Oui, ce que j'allais dire. Pardon, je ne suis plus là. Voilà. Ensuite, on a une bonne nouvelle pour la préservation, alors non pas du jeu vidéo, mais pour la préservation de quelque chose de plus important, j'ai envie de dire, que le jeu vidéo, les publicités liées au jeu vidéo. Forcément. Ce cher Laurent Combi, à qui on doit déjà d'avoir exhumé de belles choses comme des prototypes, des portages non sortis, tout ce genre de choses, vient d'exhumer et de récupérer les bobines originales des publicités françaises Sega Mega Drive. Et oui, alors ça c'est quand même un gros travail d'investigation. Parce que pour les retrouver, il faut y aller, hein. Enfin, j'imagine. Et... La question c'est, est-ce que l'enregistrement a tenu quoi ? Est-ce qu'elles ne se sont pas effacées avec le temps ou... Non, ils ont montré, enfin, d'après la photo où on voit les bobines, morceau de négatif, effectivement, c'est en bon état. Tout est en bon état. Avec le point de Maître Sega. Bien fermé, le punk. Non mais c'est mythique hein, quand même, hein, ces publicités-là. Bah, mythique pour nous. Oui, parce qu'évidemment, je parle des pubs Sega Mega Drive, évidemment, ouais. c'est les publicités Sega, c'est plus fort que toi. Voilà, c'est, quoi, punk c'est, venait 4... se... c'est fin 92. Oui, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. Donc, ouais, ça parle plus à nous qu'effectivement à la génération la plus jeune. Mais pour nous, c'était du rêve. Ah bah oui, oui mais clairement, ouais, clairement. Moi j'aime beaucoup la sobriété par contre avec laquelle il a annoncé ça. Ça m'a fait marrer. Il fait un post sur un forum, titre Sega Mega Drive, TV Spot, machin. Il fait ah j'ai trouvé ça. Il met deux liens. D'accord. Et puis voilà. C'est cool. Ah ouais carrément. Mais c'est cool, ouais c'est marrant ça. Alors tu sais, si ça avait été d'autres personnalités du net, ça aurait été attention, exclusivité incroyable. Ah ouais, il y aurait déjà eu 15 posts avant pour dire je vais vous annoncer. Je vous en parle sans langue de bois, la avec mes grandes lunettes, la suite va vous étonner et tout. Enfin voilà, c'est. Non mais c'est trop ça, hein. C'est vrai. Donc la prochaine étape maintenant, évidemment, ça va être réunir des fonds nécessaires pour numériser tout ça. Mmh. Oui. Et, ah ouais. Pourquoi pas, mettons doigt rêver, la sortie en Blu-ray Ultra HD 4K. Ah ouais, Dolby Atmos et tout là. Non, mais qu'ils fassent la même chose avec les pubs Super Nintendo. Je ne sais pas par quel biais ça va être fait. Il y en a qui commençaient à parler éventuellement de proposer de faire un crowdfunding pour réunir les fonds, pour numériser ça, quitte à proposer, voilà, après... Non, j'allais dire proposer comme lot le fait d'acheter justement du Blu-ray ou comme ça, je suis pas très sûr que Sega soit super d'accord. Mais, mais bon, je pense que Sega avait oublié que ces bobines existaient, que ces pubs existaient, tu sais. Bref. Je crois surtout qu'ils en ont un peu rien à cirer, non ouais. Oh, Sega, ils en ont rien à cirer, mais des fois pas. Là, il serait capable de dire, hey, mais au fait, c'est à nous ça, tu nous les rends. Ouais, voilà. Ils avaient oublié que ça existait, tu sais, mais tous ces gars, ils savent même plus qui c'est. Ouais, mais voilà. Donc, bref, si on en sait un peu plus, vous en faites pas, vous serez les premiers prévenus. Voilà. Mais ouais, mais c'était quand même des publicités originales, parce que j'ai l'impression que ce genre de publicité comme ça, très très originale, ça n'existe plus. Hein. En tout cas, dans le jeu vidéo. Disons, bah, de toute façon, des pubs pour le jeu vidéo, t'en as plus des masses non plus. Mais... T'en as quelques-unes pour certains gros ouais. jeux, mais le truc, c'est que. C'est assez rare. Maintenant, c'est souvent. C'est aussi percutant qu'avant la pub. Maintenant. Ouais, mais c'est souvent maintenant bah, des images du jeu. C'est peut-être... Finalement, quand tu y repenses, c'est peut-être pas plus mal, mais. Je sais pas, il y avait Sony qui a marqué son empreinte quand même aussi avec les publicités. Hein, ouais, mais je veux dire, tu sais, ça vendait vraiment pas de jeu, ça vendait plus un concept, une idée, tu vois, la t'étais PS1, là en mode putain. La PS1, la PS2, c'était. Bah, ils ont pris Lynch, hein, c'était pas pour rien. Ouais, mais c'était une idée de génie quand même. Mais par contre, on se souvient clairement des pubs, quoi. Ouais, que maintenant, la pub de. New Super Mario Bros. U, voilà, on s'en fout. C'est ce que j'allais dire par rapport à Nintendo, on se souvient des spots publicitaires avec Mario en tant que présentateur. Oui. Ils venaient présenter les jeux. Là, moi, j'ai vu la publicité pour Yoshi's Crafted World carton. Et ouais, c'est juste Yoshi est de retour sur Switch, achetez-le. Et trois images du jeu, basta. Ah voilà, ouais. Voilà. T'as vu la pub A Link to the Past aussi, là, avec le gamin là, qui devenait un squelette. Ouais, là, parce que c'était pour faire rêver. Maintenant, t'as plus ça. Maintenant, avec YouTube, avec. Mais c'était l'idée de multiplication. C'était quand même plus l'idée de se démarquer parce que. Pour la ressortie aussi de la trilogie Crash Bandicoot, j'ai redécouvert les publicités de Crash Bandicoot de l'époque. C'était incroyable aussi, hein, les publicités de Crash. Hein. C'était, tu voyais un mec déguisé en Crash Bandicoot. Et, enfin, il avait, tu sais, un costume, hein, tu sais. Oui. Il prend la voiture et il était en train d'insulter les locaux de Nintendo juste devant, quoi, tu vois. Mais t'avais ça en pub. C'était juste dingue, quoi. Ouais, parce qu'à l'époque, t'avais pas autant de canaux de diffusion. Et puis surtout, c'est parce que des fois on avait 5 minutes à perdre entre un épisode de Dragon Ball Z pendant dans le club Dorothée et que forcément on regardait aussi les pubs quoi. Maintenant ils le font toujours hein, sur les chaînes pour enfants quand arrivent les périodes des fêtes, les pubs oui, non, c'est plus jouets et jeux vidéo. Mais après, comme disait Billon des mois, maintenant c'est juste des photos, c'est des images du jeu où t'as quelqu'un qui va dire voilà, le jeu il est sorti, c'est super, achetez-le. C'est vrai qu'il n'y a plus de créativité, on n'est plus. Ils n'en sont plus là. Ils sont plus d'être créatifs pour vendre des jeux. C'est ça. Parce c'est que dommage. En plus, tu peux voir. Les jeux, tu peux les voir partout maintenant. C'était un plus, quoi, je veux dire, mais bon. Ah non, mais c'était. Et surtout qu'en fait, c'est un plus, mais en réalité, c'est que de toute façon, les ventes de jeux le prouvent, quoi. C'est qu'en réalité, ils n'en ont pas besoin. Parce que la pub, elle est faite par d'autres canaux maintenant. Ouais, c'est ça. Les influenceurs sont là. Ouais. Les meilleures pubs. Les meilleurs panneaux publicitaires, ça reste quand même eux. Oui. Bah, ça reste ton jeu en lui-même. Quoi. Non, mais ce que je revenais, c'est. Tu montres ton jeu et. Oui, dans l'absolu. Ça reste oui, qui est censé vendre le mieux ton produit quand même. Quoi. Ouais. Sauf que c'est plus comme ça maintenant. C'est dommage. Mais donc, voilà. Dès que les enregistrements haute définition font surface, vous en faites pas. On partagera ça. Ouais. Et on regardera ça en boucle, en pleurant sur nos années perdues. Petite news suivante, alors sur le coup, hop, je vais sauter directement celle-là. On nous vend un petit accessoire pour le Super Game Boy. Alors petite histoire, le Super Game Boy était censé donc nous permettre de jouer au jeu Game Boy sur Super Nintendo. C'est ça. Dans, au niveau hardware, le petit souci, c'est que le Super Game Boy émule, lance les... Ouais, il émule les pas, jeux, hein. C'est... lance les jeux Game Boy à une fréquence légèrement plus élevée que celle de la Game Boy d'origine. Ce que corrigera après le Super Game Boy 2 auquel on n'aura pas droit en Europe. C'est ça. Vous allez dire, mais qui c'est qui s'en soucie? Et c'est là qu'évidemment la fameuse phrase même ressort. Speedrunner, win notice. Hein, voilà. C'est ça. Et donc moi, et ils ont sorti un petit module pour... corriger. Voilà, c'est alors QWERTY Modo, alors ça parlera sans doute à ceux qui, comme moi, aiment bien les bidouilleurs en tout genre, console rétro. Donc QWERTY Modo a sorti ce mode, alors c'est la deuxième version parce qu'il en avait sorti une il y a quelques temps, mais qui n'était pas encore tout à fait exacte. Mais là c'est bon, c'est bon, donc ça coûte 15$, il doit y avoir 3 points de soudure à faire, ça n'a pas l'air ultra compliqué à faire. Vous connectez ça à votre Super Game Boy et c'est bon, la fréquence est corrigée. Et vous pouvez jouer à vos jeux Game Boy comme sur votre Game Boy, mais sur la télé. Voilà. Voilà. Et soumettre vos runs à speedrun.com. Non. Je suppose. Je sais pas trop comment ça se passe pour les jeux Game Boy, j'avoue, à cause de ce problème-là, parce que Super Game Boy 2 est quand même sorti qu'au Japon, quoi. Donc. Oui. Comme d'habitude. Super Game Boy 2 qui, en plus d'être totalement précis sur les timings, propose ouais, le câble Link. Et ouais. Et alors là, vous pouvez faire du Tetris sur deux télés différentes. Mieux, en versus. Mieux. Tu peux foutre une Game Boy Camera, prendre des photos avec la Game Boy Camera sur ta télé. Et revoir ça sur ton écran de télé. Ah bah oui. Non, ça, il n'y avait pas besoin du câble Link pour faire ça. Ouais, non, mais pour les imprimer, après, tu fais comment? Ah oui, tu peux les imprimer après, oui. Ah oui. C'est avec pas mal. La Game Boy Printer, le Game Boy Printer, la Game Boy Printer, je sais pas, bref. Alors rapidement, notre petite news Billy Mitchell de la semaine, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Voilà, Buzzic, tu nous annonces un nouveau record. C'est même pas Billy Mitchell en plus, pourquoi on en non, parle? Non, c'est pas Billy Mitchell. Non, c'est pas Billy Mitchell, tu vois, mais... c'est... Dès qu'on parle de Donkey Kong et de record, on s'attend toujours à ce qui débarque et qui nous dise « Non, c'est un faux record, moi je vous en ferai un meilleur. » Pour le coup, il n'a pas fait. Je suis étonné. Donc le précédent record Donkey Kong a été battu par M. John McCurdy et il est maintenant de 1 249 500 points. Ça aïe. Mais la partie dure combien de temps? Parce que. Il y a un lien pour voir la. Ça doit durer 5 heures. Il y a un lien truc. Twitch pour voir le record en fait. Il va falloir cravacher quelque chose pour le copier, pour le battre. Ah non, parce que je veux dire, quand tu vois la vitesse à laquelle tu fais des points dans Donkey Kong, mais ça doit durer des heures. C'est. 5h42. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Donc 5h42 pour battre ce record, il faut être sacrément motivé. Hein. Mais en tout cas, bravo bah, GG, à oui. Monsieur John McCurdy. Ouais, bravo John McCurdy. Et ça, c'est dommage pour toi, Monsieur Billy Mitchell. C'est pas le genre de record qui tombe tous les jours. Hein. C'est... Non. Et voilà, quand on pense que pendant ce temps, le Super Mario Odyssey n'est toujours pas en dessous de l'heure. Voilà. Jamais. Vraiment ça des branleurs, ces runners de Mario Odyssey. Hein. Purée. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, pour l'instant, le top 3 Mario Odyssey, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est 1 heure pile, 1 heure 2 secondes, 1 heure 2 secondes. Ils sont chauds, mais ça passe toujours pas. Tu l'auras pas, monsieur Bion. On sait que tu l'attends avec impatience, ce sub 1 heure. Je vous l'annonce. Alors, dernière grosse news énorme. Alors, une hippopo news, j'ai envie de dire. Oui, là, oui, on peut le dire. Là, attention, Konami finalement, après un brainstorming intense en interne, s'est dit que il y a peut-être moyen de gagner de l'argent en vendant des jeux vidéo. Ouais. Avec le pachinko, c'est peut-être pas toujours très très bien quand on fait du jeu vidéo. Et donc ça y est, pour les 50 ans de Konami, ils ont décidé de nous sortir enfin ce qu'on réclame juste depuis je ne sais combien d'années, des compilations de vieux jeux. Même pas obligé d'en faire des nouveaux. Hein. Ouais. Juste des compiles, on est content. Et ils ont bien compris. C'est pas comme s'ils avaient des super séries. Hein. Ils ont bien compris, ils ont bien pris la soin Capcom. Hein. Pas trop de jeux dans la même compile. Non mais c'est, Konami, pardon, c'est Konami aussi. Hein. Non, mais... Et donc on va avoir droit à trois compilations différentes, une compilation estampillée Arcade, une compilation estampillée Castlevania et une compilation estampillée Contra. Pour l'instant, dans la compile Arcade, on a bon, les grands classiques Gradius, Life Force, Salamander, Twin Bee, Scramble, enfin voilà. Et alors, à la grande surprise générale, dans la compilation Arcade, il y a Haunted Castle. Ok. Qui est quand même un Castlevania. Mais, d'accord, oui, donc sur le coup, il n'est pas dans la compil Castlevania. Voilà. Ouais. Mettons. Dans la compil Castlevania, pour l'instant, sont révélés Castlevania 1, Castlevania 3, Castlevania 2 version Game Boy et Super Castlevania 4. Pourquoi Castlevania 2 version Game Boy en fait ? Parce que celui de la NES, il est naze. Non, je ne l'ai pas dit. Ah, ah oui, mais alors moi je pensais que c'était le Simon's Quest, tu vois, justement. Non, non, c'est Belmont's Revenge, la version Game Boy. D'accord. Qui est, c'est jeu bizarre comme. Ah oui. Mais ils ont. Alors il y a encore 4 jeux qui n'ont pas été annoncés, c'est ça ? Voilà, 4 jeux sont. Alors, on a tiré des plans sur la comète. Évidemment, je ne les vois pas nous mettre Rondo of Blood, Symphony of the Night, vu qu'ils les vendent déjà. Ouais, à part. Je pas non plus. Il manque éventuellement peut-être l'épisode de Mega Drive, ce serait sympa. Oui. Un petit retour d'un Vampire's Kiss aussi. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas un Kid Dracula, une des versions de Kid Dracula. Ah, ouais, Dracula, ça serait stylé. Hein. Il est, en plus, il est vraiment bien. Ouais. Moi, je l'ai, le jeu sur Famicom, il est excellent. Il est très très bien, ouais. Et à la limite, s'ils ont pas trop la flemme, puisqu'ils ont proposé un jeu Game Boy qui propose aussi le kit Dracula Game Boy, qui est totalement une version de la version NES. Ou alors, ils vont je crois pas que ce soit. Hein. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, ils vont peut-être partir sur de la GBA aussi, parce que mine de rien, ils sont pas mal sur GBA. Ouais, ils sont pas mauvais. Mais ça me semble pas dans leur délire pour l'instant. Ils partent vraiment dans les trucs lointains, quoi. Donc, ouais, je pense pas non plus. Les GBA, c'est peut-être un peu trop récent pour. Ce genre de compil. Comme on l'a pas encore fait, donc ils atteignent. Plus, hein. C'est après qu'il y en a eu beaucoup, avec les versions DS. Oui, mais rien ne les empêche après de faire comme Capcom et de ressortir une nouvelle compil avec ces jeux-là. Hein. Oui, non, mais s'ils en rajoutent 4, ça pourrait être. Moi, je pense que c'est pas impossible, un Chino Rondo, quand même, un PC Engine. Franchement. Il est déjà à vendre à part. Bah ouais. Mais alors, ils peuvent le mettre dans une compil quand même. Non. Bah, ça, ils mettront d'autres jeux pour vendre après. On sait jamais ce que peut faire Konami, ils sont tellement aléatoires. Et donc, la troisième compilation, pour en parler rapidement, donc on a Contra, Super Contra, Super C, et le fameux Contra 3 Alien Wars, pour l'instant de révéler. Là aussi, aucune trace de la version Mega Drive, qui met tout à fait sa place. S'ils la mettent pas, je crie au scandale. Hein, parce que c'est... Et après, du côté de Contra, on pourrait aller chercher, on espère, du côté des contrats oubliés sur PS1 et PS2. Alors PS2, je suis pas peut-être vachement optimiste, mais les versions PS1 et au contrat nous feraient peut-être un petit retour, ce serait rigolo. Après, est-ce qu'ils vont aller aussi loin ? Bah on ne sait pas en fait, faudra voir. On sait pas, On a des prix annoncés ? Entre 10, 20 dollars, pardon, ouf, là, là. 20 dollars pièce. 20 dollars, chaque compil. Wow. Bah, j'espère qu'il y avait qui vont nous mettre un truc muséeux. Mais, non, mais attendez, parce que je tiens quand même à signaler hein, Mega Man X Collection, c'est 4 jeux, 40 dollars. Hein, donc, oui, mais après. Là, on a un rapport quand même de x8 en termes de qualité-prix. C'est 8 jeux, 20 dollars. Ils sont hors sol. Capcom, ils sont loin dans le game. Ils sont hauts. Moi, je suis content à titre personnel de retrouver Castlevania 3 sur une compilation. Qu'on n'avait pas revu quand même officiellement sur aucune compile ni nulle part. En espérant que ce soit effectivement la version japonaise avec les musiques. Avec les musiques craquées. Ouais. Voilà. Donc ce serait rien. C'est pas Castlevania 3 qui avait une traduction française qui était aux fraises, qui t'indiquait Simon Quest. C'est Simon Quest. C'est le 2, je crois. Et tout est annoncé d'ailleurs pour l'été, si j'ai bien compris. Oui. Early Summer, c'est. Mais de toute façon, Simon Quest, c'était pas vraiment qu'un problème de traduction. Tu prends la trad anglaise déjà, c'est dégueulasse, tu comprends pas. Puis t'as, voilà, je pense que c'est le jeu en lui-même, non pas qui a été mal foutu, mais qui était un peu trop crypté dans les éléments qu'il te donnait, genre va à tel endroit, parle à tel PNJ, des trucs comme ça. Il y a Emma Rome Hack d'ailleurs qui est sorti et qui corrige justement ces soucis. Bon, c'est vrai que j'ai très très très très peu joué, donc à partir de là. Enfin, j'ai joué au Rome Hack il y a quelques mois et c'était plutôt pas mal. Bon, une autre petite news rapide pour parler de vous dire en ce moment, pour ceux qui ont la PlayStation 4, vous pouvez aller faire un petit tour sur le PSN. Il y a des promotions intitulées rétro, entre guillemets, rétro, ça vaut ce que ça vaut. Disons que vous avez, outre les trilogies Spyro et Crash habituelles, il y a pas mal de jeux PS2 et PS3. PS1 aussi, il me semble. Ils n'ont pas mis des jeux PS1. Je ne suis pas trop fait gaffe, surtout vu les jeux PS2 et PS3. Ouais. Bref. Si vous avez envie d'un petit trip rétro, plutôt que rebrancher une vieille console ou aller racheter des jeux qui, des fois... Acheter Wild Arms 3, il est à moins de 5€, il est très bien. Et ensuite, nous allons parler, alors news, pas news, en tout cas on va essayer d'en parler, donc quand même de faire un big up à une sortie récente. Une sortie qu'on a tous attendue, je pense, enfin tous. Ceux qui aiment les livres qu'on attendait depuis, merci, monsieur, depuis des années, des années, des années. Et ça se tombe bien parce que l'auteur explique dans le livre pourquoi est-ce qu'on l'a attendu des années, à savoir le 4e volume de l'histoire de Nintendo par l'ami Florent Gorge chez Omake Book. Et donc, moi et monsieur Chou, on avait envie d'en parler et de faire un big up. Ah, mais moi, c'est mon coup de cœur de ces 6 derniers mois en lecture jeux vidéo. J'en suis à ma 3e relecture en une semaine, c'est pour dire. Bon, après, il y a toujours le passage totalement dispensable de la... Si à chaque fois, enfin, en fait, de livres, les sélections de jeux, voilà, Game Boy, Game Boy Color, voilà, bon, ça, c'est... Comment dire, c'est sympa à regarder une fois pour voir éventuellement quels titres on n'a pas connus, voir ce qu'on a eu à l'époque et éventuellement les titres à découvrir, mais on revient rarement deux fois dessus. Par contre, je m'attendais pas à un 20e, à un 30e des infos qu'il y a dedans. Donc ces 6 années, c'est ça qui sépare la sortie du volume 3 et du volume 4, ont servi à Florent Gorge et à son équipe pour de grosses investigations sur la genèse de la Game Boy. Et justement, ils en parlent. Est-ce qu'il faut dire là ou le Nintendo France dit le, mais l'auteur dit bon, on s'en bat les couilles, on dit là. Et moi, j'aime bien. Et ce que vous allez découvrir dans ce livre est vraiment là. Pour une fois, c'est pas galvaudé, hein. C'est de l'inédit. C'est vraiment des grosses infos. Et c'est la preuve que l'histoire de la Game Boy, même avant même qu'elle sorte, elle était loin d'être un off-life tranquille. Et vraiment, c'est très intéressant. Voir les différentes personnes à la tête des projets et les influences qu'elles ont pu avoir et les coups à droite et les coups à gauche pour que, au final, contre vents et marées, donc cette espèce de brique avec un écran monochrome pas du tout sexy soit un des plus gros cartons de l'histoire du jeu vidéo. C'est clair. Évidemment, l'ami Florent Gorge sait très bien nous aussi nous donner envie de lire le livre avec une très belle préface à émotion. Il explique en quoi la Game Boy et sa maman sont très liées. Et en même temps, il commence le livre, comme tu dis, avec les questions sémantiques de genre propres à la France. Et ensuite, il donne vraiment, d'une part, Florent Gorge, quelqu'un qui sait écrire et qui sait donner envie de lire un livre. Ça, je l'avais déjà dit, il me semble. Et là, c'est totalement le cas. Et comme en plus, les infos sont vraiment très, très, très intéressantes. Alors, moi, je te dis, j'ai vraiment surkiffé. Il y a un truc, par contre, je suis resté sur ma faim. Je ne sais pas si c'est toi. J'aurais bien aimé quelques pages sur la sortie française en particulier. D'accord. Et le livre fait l'impasse sur ça. Quand j'ai terminé la partie, parce qu'en fait, c'est divisé en trois parties, on va dire plus de la moitié du livre sur la Game Boy classique, on va dire le modèle DMG pour Dot Matrix Game. On a ensuite la Pocket et la Color, mais je m'attendais à voir quelques pages au moins sur la sortie française. Je suis un peu resté sur ma faim là-dessus, mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment imprégné dans ma mémoire quand c'est sorti, à quel moment je l'ai eu, à savoir le jour de la sortie. C'est même l'une des rares consoles que j'ai eu le jour de sa sortie. Donc voilà. C'est vraiment la seule critique négative, entre guillemets, c'est pour dire de chipoter, parce que sinon. On va passer un quart d'heure ou 10 minutes à être dithyrambique sur le livre. Et quelque part, Dithyrambique. c'est. Non, Et quelque désolé, part. Et quelque part, voilà, c'est. C'est logique. C'est logique. Le bouquin est vraiment exceptionnel. Ouais. Alors, sur le coup, Par on contre, espère. Oui, vas-y, vas-y, dis. par contre, c'est compliqué de faire une critique de ce genre de livre sans spoiler ce qu'il y a dedans, chose que je voulais absolument pas. C'est pour ça que je m'abstiens volontairement de donner toute Oui. l'anecdote. On Ah va bah s'arrêter là. ouais, Oui. c'est pour ça que c'est compliqué, voilà, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule depuis 5 minutes, mais c'est normal, parce que je tiens absolument pas Bon. Et bien, à c'est que vous avez dithyramber ce donné cadavre. envie. Moi, ça m'a presque donné envie de l'acheter, pour vous dire. Ouais, moi j'ai presque envie d'apprendre à lire pour le lire après. Donc, c'est disponible chez Omake Book directement. Vous allez pouvoir de le trouver si vous avez de la chance dans les espaces Q et ce genre de choses. Ouais, Dans le pire Fnac. des cas, commandez-le directement sur le site Omake. Il Ouais, coûte je pense que c'est ça. 25 euros. Et, on va dire ça, parce qu'il faut le dire, on espère ne pas avoir à attendre 6 ans de plus pour le volume 5 qui devrait porter sur la Super Nintendo. Non, même pas. Volume 5, c'est C'est. marqué à la. Tu Oui. regardes la quatrième de couve, c'est marqué tome 5, GBA Virtual Boy. D'accord. Ah oui, alors Oui. si je savais lire, effectivement, c'est marqué juste là. C'est Très marqué en bien, plus, très hein. bien, C'est très bien, très marqué. bien. Et encore, je l'ai vu qu'au bout de la deuxième re Et que la merci seconde. Raskiller, oui, pour Je l'ai vu l'écran. seulement au bout de la seconde lecture. Voilà. Et à suivre. Ouais. GBA Virtual Boy. Ah Ouais, ouais, donc il y a bien sûr la Super Nintendo, le tome 6. et un dernier petit mot. Si vous pensez que c'est Gunpei Yokoi, le père du Game Boy, et puis c'est tout, bah achetez le livre. Au bout de voilà, 20 pages, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, ben d'accord. Ok, on reprend tout de zéro. Et c'est en ça que le livre est super intéressant. Voilà. Et ça a été très compliqué de ne pas divulguer ce qu'il y avait dedans. Merci Et pour cette revue. d'ores et déjà, vous pouvez balancer vos tweets à Florent Gorge quand est-ce qu'arrive le tome 5. Non, c'est une blague, hein, le faites pas. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un a une autre news à rajouter? Un big up, un truc dont il a envie de parler, n'importe quoi? Alors, Ah oui. j'ai reçu, mais Oui. aujourd'hui, hein, donc je peux pas faire plus à chaud que ça. La manette 8-bit do Ouah, attendez, M30. mais... Ah non, attendez, non, j'ai rien dit. Ah, Non, d'accord. non, j'allais dire quelque chose, mais non, non, non, Donc non, la manette n'importe 8-bit quoi. do M30 en ondes radio, pas Bluetooth, hein, ondes radio. Celle qui les préconisait, entre guillemets, hein, ils ont un partenariat avec Analog pour équiper aussi les méga SG qui arrivent là très bientôt là. Donc je l'ai reçue. Elle se branche sur la Mega Drive, pas de problème. C'est plug and play, j'ai rien eu à faire. Hein. J'ai direct, c'est parti. Le feeling, il est un poil différent d'une manette Mega Drive 6 boutons classique. Mais c'est peut-être parce qu'elle est neuve. Je saurais pas trop le dire. C'est bon en fait, on a un bon feeling quoi. C'est les boutons, la croix, elle a cette espèce de mollesse, mais pas. Je sais pas comment dire. Assez caractéristique de la Mega Drive, mais c'est un poil différent. Je pense que c'est juste la manette est neuve. Le plastique est bien fini. Elle est très bien finie la manette, ça fait plaisir. Il y a des boutons de tranche LR. J'ai pas bien compris pourquoi sur celle-là, puisque c'est la manette Mega Drive. Mais j'ai Peut-être pour remarqué accéder peut-être à des jeux. qu'il correspondait aux boutons A et B aussi. Donc pour certains jeux, ça peut être pas mal, notamment pour Contra Hard Corps. Pour switcher de mode. De tir, bah, tu peux appuyer dessus et ça te switch de mode plutôt que d'appuyer sur A et B sur la façade, quoi. Donc pourquoi pas? J'ai juste moi l'impression qu'ils ont mis en fait leur modèle Bluetooth, qu'ils ont juste rebrandé l'émetteur radio en émetteur 2.4G et ça marche. Et l'avantage des ondes radio de 4G par rapport au Bluetooth, c'est qu'il y a la latence est imperceptible, quoi. Ça répond du tac au tac. Et ça fait bien plaisir. Il y a quelqu'un qui a fait le test. Il y a 3,6 millisecondes de latence. Ça va aller. Ce qui est excellent, exceptionnel. C'est-à-dire même sur une manette de PS4, sur une PS4, c'est de l'ordre de 30-40 millisecondes. Donc je veux dire, c'est bon, c'est validé. Et j'ai fait un test parce que ceux qui me voient qui m'ont vu en stream m'ont vu galérer avec une autre manette sans fil, donc celle de Krix, le mec qui fait les Everdrive, qui prenait pas mes inputs ou faisait des trucs bizarres quand je m'éloignais trop de la machine. Là, j'ai fait le test et j'ai pas eu ce problème-là. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est du tout bon pour l'instant, mais il faudra tester sur le long terme. En termes d'autonomie de batterie, je sais pas, je peux pas dire. Du tout bon, est-ce que c'est comme Jacques? Et à titre d'information, la manette de Krix, du coup, elle est très bien aussi, hein, mais quand on. Faut pas mettre un mur entre vous et la console, quoi, en gros. La manette de Krix, elle, a une latence de 3 millisecondes. Donc, en fait, de ce point de vue-là, les deux manettes se valent, quoi. Donc, si vous avez une Sega SG et que vous voulez une manette sans fil, celle-là est pas mal. Voilà. C'est quand même vachement rigolo, parce que quand on y pense. En l'espace de quelques mois, donc Krix sort son modèle de manette sans fil, 8-bit Do également, et les rétro-bit filaires arrivent et les sans fil arrivent d'ici la fin de l'année. C'est ça. On va se retrouver avec juste que l'embarras du choix pour jouer sur sa Mega Drive. C'est bien, c'est quand même pratique. Ben, j'ai envie de dire, vaut mieux plein de choix que des manettes complètement cassées qui marchent plus. Mais il y en a un qui se détache du lot quand même, non? Honnêtement, entre la Krix et la 8-bit Do, là, oui. Moi, je vois pas de différence, quoi. Hein. Et la 8-bit Do, elle est à... Je l'ai pas dit, je l'ai eu à 29€ frais de port inclus. Ouais, d'accord. Récepteur inclus. Celle de Krix, elle est quand même à 64 balles, quoi, si on l'importe. Ah, et tu vois pas de différence. D'accord. La manette de Krix semble se rapprocher plus du feeling de la vraie manette originale. De toute façon, dans la forme, hein, on le voit, la manette ressemble plus à une manette de Saturn, finalement, dans la forme. Celle de 8-bit Do, je trouve. Après, voilà, les seuls qui vont avoir la licence officielle, c'est Retrobit, ouais. Mais là, on sait pas encore sans fil comment ça va se comporter. Et eux, sans fil, ne prévoient que des trucs en Bluetooth, si je dis pas de conneries. Non. Ils ont la onde radio. Ah oui, non, tu me l'avais déjà dit la dernière fois en plus. Il y a les deux. Donc à voir. Ça prévoit à du voir. Bluetooth et du 2,4 GHz. Ouais. Ah oui, Bluetooth, oui, je dis Bluetooth onde radio, mais Bluetooth c'est une onde radio. D'ailleurs, en passant, entre autres choses, je crois que la dernière fois pour Retrobit, j'avais évoqué les. Donc ils comptent. On ne sait pas quand, mais ils comptent ressortir des reproductions de manettes Nintendo 64, les manettes Ori. Ouais. Et on a vu aussi parmi les nouveaux produits un adaptateur HDMI pour Dreamcast. Exact, ouais. C'est un truc qui existe déjà par d'autres, mais là c'est officiel Sega, donc sous licence Sega. Vous branchez ça directement au port vidéo de votre Dreamcast qui est capable de cracher du VGA. Hein, et bien, basiquement, ça va convertir le signal en HDMI pour brancher directement votre Dreamcast en HDMI. Et ça aussi, si ça marche, bah c'est cool. Parce que c'est comme tu le disais, ça existe déjà. Mais là, ce serait un truc officiel Sega. On va être optimiste. On va dire que Sega n'ont pas envie qu'il y ait de la merde sur leur console. Allez. c'est bien. Et c'est bien. Et c'est coucou jamais de bol. Et c'est bien qu'il y ait un constructeur qui se dise tiens, on va faire du matos pour nos consoles rétro, quoi. Enfin, je trouve ça cool, moi. Que la Dreamcast, pof, voilà, on pourra la brancher. Alors par contre, il n'y a pas de manette annoncée, mais voilà, brancher la Dreamcast sur la télé, bah voilà. Et l'adaptateur est prévu à un tarif, je crois que c'est une trentaine d'euros. 30 balles, c'est par rapport à tout ce qui se fait à côté, c'est pas cher, quoi. C'est moins cher que gratuit. Hein. Jusque-là, mais bah, après, faut voir la qualité après. C'est un truc qui fait une image dégueulasse avec. 3 secondes d'input lag, bon. Enfin, 3 secondes de latence, c'est pas ouf. Ok. Bon. Et là, merci bien, monsieur Moi. Sur le coup, personne d'autre avait quoi que ce soit rajouté, si. Non, oui. Bleu. Non, pour moi, c'est bon. Belle. Rien. Ah. Il est en train de boire en attendant sa chronique. Ouais, mais il faut aller pas le dire, ça, Boss Dick. Tu t'auras tué la magie. Et donc, sur le coup, nous allons pouvoir passer à notre sujet principal de ce soir, à savoir comment c'était la difficulté avant que Dark Souls ne l'invente. D'accord, ça c'est fait. Non, c'est pas ça. Eh ben, c'était pas facile. Voilà. La difficulté, c'est pas facile. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs, alors la rediff sur YouTube. Il y a une chose en tant que rétro gamer qu'on sait bien. Si, on le sait quand même. On a tendance à toujours dire, ah, mais vous savez, les jeux avant, c'était plus difficile que maintenant. Hein. Bon, d'accord, c'est quelque chose qu'on entend relativement très souvent dans la communauté rétro, qui s'accorde à dire que avant les jeux n'étaient pas gentils. Pas très gentils, non. Alors moi, je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous pensez que les jeux ont évolué ou pas? Et déjà, qu'est-ce que c'est la difficulté? On peut commencer par se demander qu'est-ce que c'est la difficulté. Parce que dans le premier jeu vidéo de l'histoire, Pong, la difficulté venait d'où, finalement? C'était un jeu de versus. En fait, ça vient du fait de si ton adversaire sait jouer. Ça vient du fait aussi que personne ne savait comment jouer. Mais enfin, attention, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en tombant sur un truc, mais random sur le net, c'est pas du tout ce que je cherchais. Ils ont mis une petite feature en fait rigolote. Dans le Pong original d'Atari en arcade, tu peux pas en fait coller ta raquette en haut de l'écran. Il y a une zone morte en fait où techniquement, si la balle passe à cet endroit, ben, c'est échec et mat. D'accord, mais voilà. De toute manière, dans ces jeux-là, moi, Pong, je me rappelle même plus, mais t'as bien un game over, de toute façon. C'est quand t'as plus de balle. Non, t'as même pas un écran de game over, c'est juste la partie s'arrête quand t'arrives à 11, je crois, c'est ça, 11 points. D'accord, bon, ben voilà. Non, je dirais que la notion de difficulté est arrivée finalement avec les jeux suivants, c'est-à-dire les Space Invaders et autres Breakout. Oui. Où là, comme tu dis, effectivement, ne pas réussir quelque chose à mener un écran de fin de partie. Et où bah, on mettait au fur et à mesure de notre progression de plus en plus les aptitudes du joueur à l'épreuve. C'est-à-dire pour Space Invaders, les ennemis tiraient de plus en plus de tirs et étaient de plus en plus rapides. Un Breakout, par exemple, avait notamment une balle qui pouvait prendre considérablement de la vitesse au fur et à mesure que le jeu progressait. Mais l'origine de cette difficulté, de toute façon, elle vient de l'arcade. Elle vient pas des machines domestiques, je pense pas. Si. Enfin, les jeux étaient aussi relativement courts. Donc forcément, même si t'achetais entre guillemets le jeu, il fallait pas que tu le torches en 5 minutes, quoi. Ouais, je peux se dire. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeux de la maison, c'était. Enfin, je sais pas, c'était quand même essentiellement des adaptations des jeux d'arcade faits. On pouvait, quoi. Par contre, je voudrais rebondir parce que, sur ce que dit Capsiver, parce que moi, en vrai, je suis entièrement, mais 700% d'accord avec lui. La difficulté première, peu importe qui va prendre le jeu vidéo en main, peu importe la machine sur laquelle il va jouer, vous donnez pour la première fois un périphérique de contrôle d'un jeu vidéo à quelqu'un, la première fois, hein, il va trouver ça difficile parce que il n'est pas habitué à jouer, à appuyer sur des boutons, est-ce qu'il se passe un truc sur l'écran, par exemple, tu vois. Oui. Et au tout début, vous parliez de Pong, mais on pourrait même revenir au jeu sur oscilloscope dont j'ai oublié le nom, hein. C'était la principale difficulté, c'était ça. C'était comment je fais pour que le mouvement que je fais sur mon périphérique de contrôle soit retransmis en truc que je veux faire sur mon écran à moi, quoi. C'est ça la première difficulté, c'est comprendre le périphérique de contrôle. Je pense que c'est la base. Je pense que ça, à ce niveau-là, c'est générationnel, hein, parce que je pense qu'un nouveau joueur, il se pose même plus la question maintenant. Hein. Parce que tu vas voir qu'il y a forcément un moment où tu dois apprendre à utiliser quelque chose. Bon. Donne une manette à un enfant et regarde comment. Il va faire son premier jeu, il va le trouver très difficile, alors qu'en fait, tu lui auras donné. Yoshi's Woolly World, par exemple, qui est sorti sur Wii U. Oui, lui, il va le trouver dur, alors qu'en fait, non. Mais c'est juste parce que, bah... Bah, il se trouve que... Il ne connaît pas la manette. En plus, la mablette, c'est pas ouf. Mais... la semaine passée, ma fille a fait... a voulu jouer à Super Mario 64. Ouais. Je vous garantis que prendre la manette, déjà, arriver à comprendre comment prendre la manette de 64, bon, c'est déjà compliqué. C'est la première épreuve. Hein. Mais alors, enfin voilà, elle a et puis c'est voilà, elle a déjà premier réflexe, le stick, elle l'utilise pas comme un joystick analogique, elle l'utilise comme si elle faisait des pressions, c'est-à-dire le truc que j'entends faire tac, tac, sans arrêt, comme si elle mettait à fond, relâché. Bah, encore. Et elle va mettre des heures à comprendre qu'on peut nuancer, appuyer plus ou moins, et... Ouais, mais ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'arcade, c'est que avant ces machines, avant la 64, avant, même avant la NES et tout ça, les adaptations du jeu Atari 2600, c'était quand même des adaptations du jeu d'arcade. Et c'est l'arcade qui définissait cette difficulté pour obliger le joueur à mettre des pièces quand même. Ouais, cette difficulté-là, un peu aberrante parfois, elle vient d'ici à l'origine quand même. Oui, mais elle peut aussi venir de la limitation technique des machines. Ah bah oui. Qui rendent le jeu plus difficile. Les premières limitations techniques, c'était donc l'absence de scrolling sur les premiers jeux, ouais. Qui en faisait pour la grande majorité, bon, quasiment tous, des jeux de scoring. Ouais. Et ça, c'est une notion qui a été un peu, bon, aujourd'hui, qui est remis au goût du jour, on va dire, par certains jeux indés, cette recherche du score à tout prix, mais qui est vraiment l'essence même des jeux vidéo à la base, c'est-à-dire que, indépendamment d'un jeu était difficile ou pas, le but du jeu au départ, c'était juste de faire le meilleur score possible. Oui. Et rien d'autre. Et les développeurs et entreprises, il fallait qu'elles trouvent un juste milieu entre donner le sentiment au joueur qui peut battre son score, qui peut progresser, et donc que ça vaut le coup qu'il joue au jeu, qu'il remette une pièce. Mais aussi, bah, à un moment, on lui fera casser la tête par terre parce que justement, la partie dure trop longtemps, là, faut qu'il remette une autre pièce pour renflouer les caisses, quoi. Carrément, ouais. Il fallait le juste milieu. Et c'est... Ils le trouvaient pas tous. Hein, des fois, juste... voilà. Des fois, c'était oui, malheureusement, ouais. Ouais. Le truc, c'est que, évidemment, quand les jeux vidéo ont progressé, quand on est arrivé donc, à la seconde génération de jeux vidéo où les jeux ont commencé à être scénarisés avec des scrollings, avec notamment toute la génération Mario Bros, c'est ce qui est venu après, avec le principe de début, milieu et fin de jeu. Évidemment, à l'arcade, le but du jeu, ça a été de faire en sorte de que le joueur meure, comme tu dis, voilà, suffisamment pour remettre des pièces, mais pas trop souvent pour pas trop le frustrer. Mais quiconque a dosé les salles d'arcade au milieu des années 80 et 90 se souvient du nombre de pièces qu'il a mis dans les jeux. Mais c'est ça. Moi, le premier. Hein. Oui. Et c'était le... Bah, le shoot'em up était complètement surreprésenté à ce niveau-là, quoi. Je veux dire. Enfin, je pense. Moi, les premiers. Premiers, bon, t'as eu la folie Space Invaders. Oui. T'as même des fabricants comme Sega et Nintendo s'y ont mis. Nintendo, t'avais Space Firebird, qui est un jeu que personne ne connaît. Mais je confirme. Mais c'est pas parce que le jeu était dur qu'entre guillemets, il y a eu un engouement, quoi, derrière. Il y a eu un engouement parce que c'était le premier aussi du genre. T'as eu Galaga, Galaxian qui sont arrivés après. T'as eu Zaxxon après. Le problème de ces portages, surtout sur Atari, c'est que l'Atari, elle n'était pas fichue d'afficher autant de couleurs. Mais c'est ça, et ça rendait le jeu difficile aussi. Et voilà, si bien que tu prends un jeu comme Pitfall 2 sur Atari 2600, c'est littéralement une prouesse technique. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont mis des petites choses dedans pour, je pense, pour booster une puce, pour booster la RAM. Il me semble, chose aussi que Nintendo utilisera avec les fameuses puces MMC dans la NES et aussi avec la Super NES. Mais voilà, c'est une partie des portages sur Atari était dure aussi parce que une bonne partie des développeurs n'arrivaient pas à coder en 4 ou 8 kilobits des jeux d'arcade qui prenaient beaucoup plus de place. Tu prends le portage d'Atari. De Pac-Man sur Atari, mais il est dégueulasse. Ah, il est pas bien. C'est horrible. Ouais. Ils ont, au lieu d'être vertical, ils l'ont mis à l'horizontale. Les fantômes, ils ont tous la même couleur. Quand la console doit recalculer les positions des fantômes, les fantômes disparaissent pendant quelques frames. Je dirais que c'est à la limite un jeu qui est injouable. Et sans doute une partie de la difficulté du portage de Pac-Man sur Atari, c'est le fait que ben, ça a été codé pas dans les règles de l'art. Et donc, Le but, c'est que finalement, les jeux d'arcade ont beaucoup évolué dans les années 80, 90 et début des années 2000. Les jeux maison, entre guillemets, ont aussi évolué, mais de leur côté, en prenant plus ou moins leur voie, outre évidemment certains jeux d'arcade qui étaient adaptés directement sur les consoles de salon. Mais c'est vrai que le jeu d'arcade, moi, une des choses qui m'a marqué dans ma vie de joueur, c'est que j'ai découvert beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de jeux d'arcade à partir du moment où j'ai posé, dès le début des années 2000, mes mains sur l'émulateur MAME. Mmh. MAME, oui. A été une fin, parce que on avait beau avoir près de chez nous, dans un bar ou dans des fêtes foraines ou n'importe quoi, des bornes d'arcade, personne, aucun d'entre nous n'aurait pu s'imaginer qu'il y avait autant de jeux qui pouvaient exister. Et lorsque on a commencé à avoir accès à MAME et on a commencé à voir que l'émulateur émulait des milliers de jeux, littéralement, on s'est dit, mais il y a tout ça qui existe, mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? Et donc, moi, je me suis mis à parcourir MAME un petit peu au pif en me disant, mais cool, je vais découvrir plein de jeux. Oui. C'est vrai que le point commun avec tous ces jeux, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui sont très très gentils. Hein. Voilà, c'est ça. Mmh. Avec. De toute façon, oui, tu voulais poursuivre sur ces jeux-là. C'est qu'en fait, on mettait des crédits infinis. Quoi. Voilà. Sous MAME, voilà, on rajoutait les crédits. Tout en sachant qu'avec MAME, on a aussi découvert. Moi, j'ai aussi découvert quelque chose que je ne connaissais pas personnellement. C'est tout ce qui est réglage Deep Switch. Yep. C'est-à-dire que les jeux d'arcade, bah, finalement, un jeu d'arcade, ce n'est pas une difficulté. Un jeu d'arcade, c'est tout un panel de difficultés. Et finalement, ce n'est pas tant aux développeurs de dire mon jeu, il faut que je trouve moi l'équilibre. C'est plus au gérant du bar à se dire l'exploitant. Est-ce que j'ai envie que les gens souffrent ou pas. Ah ben moi je sais que le bar dans lequel j'allais, il avait envie qu'on souffre. Hein. Parce que je connaissais les gens qui mettaient les pièces et qui s'occupaient de ça, ben oui, la difficulté elle était au maximum. Alors, je me souviens encore de l'été où ma salle d'arcade a eu Virtua Fighter 3. Le jour où il a mis la borne en service, j'étais là. Il avait mis le jeu, je crois, en difficulté normale. Je comprends que c'était difficulté 4. Sauf que, en une matinée, avec juste une pièce, on était déjà deux ou trois potes, trois dans ma mémoire, à avoir terminé le jeu avec des persos différents et en un crédit. Du coup, quand on est revenu le lendemain, ce blâme, difficulté maximale, et puis plus personne n'a rejoué au jeu de tout l'été. Alors que le jeu venait de sortir, oui. Donc voilà, c'est quelque part, c'est le genre de chose qui est aussi à double tranchant. C'est soit tu mettais un truc trop facile, et puis du coup, forcément, les gens perdaient pas autant qu'ils devaient perdre, ou alors tu mettais un truc d'enfoiré, et là, les gens se faisaient avoir une fois et ils revenaient plus. Oui, mais après, c'est là où tu vois aussi la différence avec les années 90, où même si c'était super difficile, tu retournais quand même. Ouais. Après, la vision du jeu n'était pas la même quand on était plus jeune. Après, des fois, tu avais deux bars ou deux salles d'arcade à quelques centaines de mètres d'écart, et tu avais des jeux Neo Geo, tu voyais en fait sur l'écran titre le niveau de difficulté. Et parfois, ils avaient le même jeu dans deux bars différents, et tu voyais que d'un côté, tu as des gens qui jouaient tout seuls, à KOF 98 pour s'entraîner, puis de l'autre côté, tu voyais que les gens ils n'y jouaient pas parce qu'en fait, la difficulté elle était un peu trop élevée, et les gens voulaient juste mettre une pièce pour se détendre et jouer pépère en attendant que les potes arrivent, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment à double tranchant, tous ces trucs-là. En parlant des jeux d'arcade, moi j'avais envie de. Tu t'en as parlé un petit peu, Pelle, j'avais envie de faire un point plus précis sur un genre particulier pour moi qui représente qui représente les jeux d'arcade, sont les shoot'em up. Oui, c'est souvent eux qui étaient représentatifs de cette difficulté. Quoi. Je veux dire, le bonhomme, le vaisseau se faisait toucher, tu renchaînais aussitôt. Quoi. Et surtout donc l'évolution du shoot'em up dans le temps et surtout les deux grosses catégories de shoot'em up qui existent aujourd'hui, à savoir donc les shoot'em up qu'on va qualifier de classiques entre guillemets, tout ce qui est représenté donc par la catégorie IRM, c'est-à-dire R-Type, sans doute celui qui est le plus cité dans ce genre de cas, en opposition au shoot'em up moderne dit Cave, donc tout ce qui est Danmaku, Manic Shooter. Et la question c'est juste dingue de se dire déjà que les shoot'em up, malgré le principe extrêmement basique du jeu, ils ont parvenu donc avec l'avènement des Danmaku au milieu des années 90 à se renouveler. Ouais. En créant une espèce de nouvelle catégorie où jusqu'à maintenant on s'était dit c'est vraiment très dur, on va pas pouvoir faire plus dur, et ils ont inventé non pas quelque chose de plus difficile, mais une difficulté différente. Différente, ouais, parce qu'en fait ils sont, enfin les premiers shoot'em up sont, moi je les trouve, enfin la première catégorie en réalité sont plus difficiles quoi, je veux dire, enfin je le pense. Moi. Les shoot'em up à l'R-Type sont plus basés sur ouais. Le réflexe du joueur avec un maniement très simple. Et puis là plus... où les donne, ouais. Où... oui, plus vas-y. Eh ben, plus tu dis maniement plus simple, mais surtout plus ils pardonnent moins quoi, aux joueurs l'erreur quoi. Je veux dire, plus punitif. Et surtout quand tu perds une vie, tu reviens en général au début du. Voilà, jeu. C'est ça. C'est bien punitif. Ce qui n'est pas le cas dans. Tu perds toutes tes options. Voilà. Et tu, alors qu'il n'y a pas de ce système d'options à accumuler dans un Manic Shooter en général. Quoi. Là où le Manic Shooter est plus là pour que tu comprennes oui. Vraiment ses rouages, sa façon de fonctionner, c'est ça. Et que tu étudies les placements et que tu connaisses les placements de chaque pattern de boss. Pour, c'est surtout beaucoup plus géométrique. Voilà, une espèce de danse, en gros. Ouais, ouais. Bah déjà, ici, je ne sais pas, je ne saurais même pas dire qu'est-ce que je préfère comme type de shoot'em up. Ah, oh, c'est difficile. Hein, ah, moi, je sais. Moi, c'est compile. Hein. Moi, c'est, voilà, c'est dit. Moi, c'est compile, donc c'est, on va dire, plus ancienne ouais. Génération. Moi, c'est ceux où ouais. On meurt pas, moi. J'aime bien ceux-là. Ouais. Les meilleurs. Plus... Non, mais, ouais, mais quelqu'un qui... Ah. Dire, tout simplement, il a plus de chances de finir un Manic Shooter en réalité que qu'un jeu de première génération. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça dépend. Hein. Tu prends Gradius. Le 1, certes, comment dire, il est très rigide dans le sens tu meurs, tu vas revenir à un checkpoint placé, tu vas revenir à poil. Mais je pense que c'est peut-être l'une des meilleures initiations que, par exemple, un Ketsui. Tu prends un Ketsui à quelqu'un et dis-lui joue. Tu verras qu'il. Voilà. Bah, j'avais pas fait beaucoup de Manic Shooter et tout ça. Au bout de 10 minutes, il rachète. Ouais. Moi, j'étais jamais très bon dans ces jeux. Dire, justement, et comme Beyond, j'ai découvert les jeux d'arcade, tu sais, avec Mame. Et. Voilà, en émulation. Et moi, j'ai découvert des jeux, justement, comme ça, comme... tu dois connaître ça, Buzzik, Gunwang. Gunwang, bien sûr, j'aime beaucoup. Il est super beau. Tu vois, j'ai découvert tous ces jeux-là, mais moi, je les connaissais pas. La meilleure, c'est Gangun Feverun avec sa boule à facettes. Voilà, et ben, tu vois, j'étais pas bon, mais je mettais du Crédit Infini, j'ai vu le jeu, mais la première run, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, oui. Crédit Infini, oui. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais c'est à ce niveau-là, je voulais le dire, moi. Si tu joues en normal, et tu donnes à quelqu'un qui connaît pas le Manic, je te garantis qu'au bout de 10 minutes, il. Ah, mais bien sûr. Il rage quitte, parce que. Mais bien sûr, mais je te parle au niveau de crédit disponible. En fait, voilà, quoi. Je veux dire, il peut le finir, quoi. C'est. Enfin, en découverte, quoi. Non, mais après, ouais, non, je pense qu'un Manic, même maintenant, c'est inabordable pour les joueurs. Dire lambda. Évidemment, il y a des maniques plus ou moins abordables que d'autres et plus ou moins difficiles. Ouais. Donne Ketsui à quelqu'un, je te garantis qu'il pleure. Ouais, ouais. Ou même Mushime et Sama Futari, la version Black Label, tu fais un stage en abordable. C'est ça qui est intéressant aussi avec les maniques, donc comme tu disais, Mushime et Sama Futari, c'est qu'en plus, ils ont créé différentes difficultés dans le jeu lui-même. Ouais, pour différents sortes de joueurs, bien sûr. Voilà. Là où notamment ce qu'avait pas fait un autre Manic Shooter que j'aime beaucoup de par son design, mais qui est une espèce d'horreur numérique, qui s'appelle Mars Matrix de chez Capcom, qui est d'une difficulté immonde et qui a un système de jeu qui est terrible parce que en gros le jeu propose 4 types de tirs différents sur un seul bouton. Alors déjà rien qu'apprivoiser le système de jeu, ça prend à peu près 150 heures et c'est dommage parce qu'il est vraiment très bon, mais il fait mal. Je confonds. Par contre, un jeu qui me semble est plus accessible tout en restant shoot'em up et Capcom, c'est Gigawing. Gigawing sont très bien, oui. Avec le système en fait de bouclier qui te permet de renvoyer les tirs adverses, ça, ce qui peut être aussi une bonne, une bonne initiation aussi. Oui, par contre, bonne initiation, on oublie Radiant Silvergun et. Ouais, alors Radiant, c'est un jeu que j'aime bien, mais j'ai jamais réussi à, attention, je vais pas dire à le terminer c'est, voilà, mais à le terminer dans les conditions que je voudrais, parce que généralement, c'est le genre de jeu, t'essaies de terminer, bah, en un seul crédit, ou alors, voilà, en un nombre très limité. Lui, pour finir en un seul crédit. Radiant, c'est un jeu que j'adore, mais j'arrive pas à me, comment dire, à m'imposer le fait d'y jouer un certain nombre de fois, genre pendant un mois, comme je fais généralement avec les autres maniques, ou avec les autres jeux du genre. Ben, j'arrive pas en fait là à m'imposer, parce qu'en fait, au bout de 2 soirs ou 3 soirs d'affilée, en fait, j'en ai plein le cul, parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas progresser, et c'est ça qui me frustre en fait. Après, ça reste un shoot 'em up, reason game, quoi. Et ouais, et Ikaruga, ça a été Ah bah pareil j'allais le pendant dire, très longtemps, en j'allais fait. dire Pendant très justement, c'est longtemps. pareil pour Ikaruga au fait, bah oui. J'en avais chié à le terminer en un crédit normal, mais un truc de malade. Et si bien quand j'arrivais à le terminer de façon régulière en un crédit, j'ai totalement arrêté de jouer au jeu parce que ça m'a gonflé. Ah, ils sont très très difficiles ces jeux-là. Mais c'est le but du jeu Ah aussi. oui, La ouais, je... difficulté bien sûr. Ah bah oui, heureusement. fait partie, on va dire, on peut en parler, du game design, Ouais, totalement. et là, on est La à quelle époque difficulté là? est un On est élément à du jeu. 97-99, quoi, j'imagine. Non, c'est quoi? De quoi Bah, Ikaruga? C'est 2000, 2002, c'est non? 2000. Radiant 2000. Evergreen, c'est quoi, 98-99? Ouais, bah voilà, c'est Ikaruga, c'est 2000. 2001. Dreamcast 2002, Ouais. d'accord. Il y a des jeux. Ikaruga, moi j'ai pas passé le troisième niveau, hein, mais il y Le a 4, moi je me suis effectivement. arrêté au 4. Effectivement, il y a des jeux comme ça. Le fait que le jeu soit difficile, c'est fait exprès. Oui, Mais on ouais, te ça fait donne partie. le moyen de surmonter cette difficulté par le gameplay et par l'apprentissage des mécaniques du jeu. Et ça, c'est ce que j'appelle des jeux qui sont difficiles, mais entre guillemets justes. Et de l'autre côté, t'as des jeux qui sont difficiles parce que les mécaniques qui sont instaurées dans le jeu ou parce que le gameplay ne correspond pas du tout à ce qu'on te demande de faire dans le jeu. Prends Ouais. l'exemple tout con, c'est quel Indiana Jones là où t'as une attaque, un fouet, qui passe au-dessus de certains ennemis Ah, et que tu peux pas te baisser pour les attaquer? Bah, celui ça de Master c'est une. System, celui de Master System, Oh il est oui. infernal, hein. Voilà, bah ça c'est de la mauvaise Ouais, difficulté. C'est difficile parce que le jeu est mal fait. Et ça c'est pas bien. oui. Ça il faut Après, pas. pour être honnête, c'est une bonne il y a une bonne partie des jeux comme ça, 8 bits. Pas une bonne Et. partie, c'est méchant, mais il y a pas mal de jeux 8 bits Oui? qui sont difficiles à cause de ça. Tout à fait. Je pourrais t'en citer, mais tellement, tellement de Parce frustration que quand j'étais finalement, plus la jeune. difficulté est une erreur de game design. C'est ça, là Ah voilà. oui. Et là, Oui, c'est pas bon. Et c'est très important ce que tu dis, parce que oui, certains jeux d'avant étaient plus difficiles, mais des fois, c'est juste parce qu'on ne maîtrisait pas encore la science, entre guillemets, du game design, la science du gameplay. Des fois, ils étaient Ouais, parce juste que du coup, mais difficiles parce c'est je. qu'ils étaient mal faits. Ouais. Ils n'étaient pas forcément mauvais à l'époque où ils sont sortis ou Oui. autre, mais ils étaient juste mal branlés, et on faisait avec, mais c'était Et dur. on était super content quand elle est finie, Ben celle-là. ouais, Moi, j'ai ouais. quelques souvenirs de jeux comme ça où l'avoir fini, c'était vraiment un super accomplissement, hein. Mais Et je pense que même maintenant, j'ai pas ressenti ça depuis certains jeux de Master System, hein. C'est vrai. bah ouais, et après, il y a eu toute une période, je pense, Super NES, PlayStation, où on a commencé à totalement maîtriser ces mécaniques en 2D et tout. Les jeux sont devenus Plus accessible. plus accessibles. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Plus accessibles. Peut-être plus simple par extension. Aussi, oui. Mais c'était pas parce qu'ils étaient plus simples, comment dire, parce que les développeurs ont dit, oh là là, il faut pas trop frustrer les joueurs et tout. Ils étaient devenus peut-être plus simples parce que les joueurs ont dit, ah ouais, maintenant je sais que quand il y a un trou de 40 pixels, il faut que mon perso puisse sauter 50 pixels plus loin, sinon. Oui, mais il y a aussi le fait aussi qu'on s'est amélioré. Il y a Voilà. aussi le fait de se dire qu'à force de jouer, on a des compétences qu'on n'avait pas avant et ça nous rend Oui, les jeux y a ça aussi, plus effectivement. faciles. Mais ce que je veux dire, c'est que cette maîtrise des mécaniques de gameplay, de game design, mais on l'a peaufinée, et même jusqu'à maintenant, à l'époque PlayStation 4, les jeux sur PlayStation 4 sont pas nécessairement plus simples que sur NES. C'est juste les mécaniques de gameplay sont mieux maîtrisées, en fait. Et il y a un autre truc qui est apparu, mais je vais peut-être un peu vite en besogne, là, mais système de sauvegarde, tout ça, mais je sais pas, vous me dites si je vais trop loin. Tu vas trop loin, t'es Je vais fou. trop loin, ok. Non, avant de parler de ça, moi je voulais Ouais. juste parler donc oui, comme tu dis, de la gestion, enfin, tout simplement, mais la création de la gestion de la difficulté, c'est-à-dire que à un moment, il y a peut-être des développeurs qui se sont dit, bon, est-ce que là, à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de bourrer pour bourrer le joueur au point qu'il peut pas. On l'a vu notamment dans des jeux comme Tortue Ninja sur NES, ou dans vers la fin du jeu, certains couloirs sont juste impossibles à passer sans se faire toucher, ou une conscience où on se dit, si le joueur ne peut pas passer sans se faire toucher, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans mon design, c'est ça. Voilà, ouais. Notamment parmi les jeux de Super Nintendo dont on parle beaucoup par rapport à la difficulté, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est le fameux Bugs Gray Scavenger Hunt. Oh Seigneur, ça reste un traumatisme pour moi, ce jeu. C'est ça qui est fou avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement exigeant dans ce qu'il demande. C'est un jeu qui ne commet pas réellement de vraies erreurs de game design. Il est fait pour être dur. Ouais. Je crois que tu allais commencer par sa beauté déjà, parce que je vais être très beau. Non, mais après, il y a des choses aussi où c'est définitivement fait exprès. Le coup de la boule de cristal qui te masque une bonne partie de ce que tu vas voir à l'écran. Ça, pour moi, c'est pas du bon game design. C'est sale. Ça, pour moi, c'est dégueulasse. Et à ma grande surprise... Hein, pour moi, c'est du sadisme. À ma grande surprise, je l'ai découvert très récemment, ce jeu, il y a 2 ans, peut-être, je sais pas quoi. Mais le gameplay, il est super bon. C'est un truc... dis-toi que moi, je l'ai découvert à sa sortie. Ouais, non, le jeu... J'avais 15-16 ans. J'en ai pleuré du sang. Le jeu, il marche bien, mais c'est là... Les mecs ont dit non, le jeu il sera dur, point. Et ce qui rend aussi le jeu très dur, c'est les bruitages qui étaient ignobles. Oui, aussi, mais bon, c'est. Oui, voilà. Oui. Mais bon, juste comme ça. Il me juste pour rigoler, mais. Il me semble que c'est par Océan, je crois, non ? Je crois, oui. Bingo, voilà. Il me semble, c'était un peu le cas de pas mal de jeux. Et c'est comme. Ou développés ou alors édités par eux aussi. Et dans la même catégorie, sur les jeux Super Nintendo, on parle souvent des jeux infogrammes et de leurs difficultés. Mais pareil, les jeux infogrammes n'avaient pas un mauvais game design, c'est juste, je pense, qu'ils étaient durs, c'est tout. Ça dépend. Tintin au Tibet, il y a plein de problèmes de hitbox, il y a plein de trucs qui étaient mal faits. Le souci des jeux infogrammes, c'est pas que... La visibilité. Mais non, c'est pas aussi le fait que les devs ont dû se dire... J'ai l'impression que notre jeu va être court par rapport au nouveau standard actuel. Est-ce qu'on montrait pas un peu la difficulté pour que les gens en aient pour leur argent de manière artificielle un peu comme ça. C'est toujours l'impression que j'ai eue avec certains jeux Infogrames. En me disant, ils ont rendu ça ultra punitif pour que les gens en aient pour leur argent. Tu vois, notamment, je vais toujours un peu le cliché des parents... qui achète le jeu pour le gamin et qui se disent oh là putain au bout de 3 mois il l'a pas fini, c'est cool quoi, on va lui racheter le suivant quoi. Je sais pas, j'ai toujours ce sentiment là, je sais pas si moi je pense que ça c'est quelque chose que tous les développeurs se sont posé la question à chaque fois, rajouter de la difficulté pour le faire durer plus longtemps, hein. J'imagine qu'ils se sont tous posé la question. Après, il y avait aussi une catégorie bien spéciale de jeux qui arrivait avec Atari, enfin avec l'Atari 2600, la série des jeux Quest. Donc il y a Sword Quest, il y a quoi ? Ah, il y en a 3 autres, je vais essayer de... Pas King Quest, non ? Je sais plus, attends, je vais essayer de regarder vite fait, voilà. Sword Quest, alors voilà, j'ai la série sous le pif. Donc dans Sword Quest, il y a Earthworld, Fireworld et Waterworld. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Airworld, mais qui a été annulé. Et en fait, quand tu dis Waterworld, on pense à des trucs qui font mal au cœur. Voilà, mais là non, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, les jeux, si tu y jouais, tu savais pas ce qu'il fallait faire. Mais par contre, si tu lisais la notice, tu voyais qu'en fait, le jeu, c'était une gigantesque chasse au trésor. Il fallait que tu regardes la notice pour trouver des indices. Et la notice, c'était un comic book. Donc, y rejouer maintenant, bon, en fait, c'est totalement ridicule si t'as pas la notice. Mais les Japonais étaient encore plus loin à l'époque Famicom, avec 2 jeux qui maintenant sont légendaires. Le fameux Takeshi no Shusenjo. Oui, voilà. Et un autre un peu moins connu qui s'appelle aussi Super Monkey Daiboken. Voilà, qui sont des jeux en fait où je pense que même si t'as le bouquin de Solus sous le pif, c'est tellement débile, tellement tu sais tellement pas ce qu'il faut faire même avec la Solus sous le pif, qui voilà. Encore en 2019, c'est pour Takeshi, il y a une explication. Takeshi n'aimait pas le jeu vidéo et il a dit qu'il voulait faire un jeu juste pour emmerder les joueurs de jeux vidéo. C'est pour ça que le jeu là. Mais Super Monkey Daiboken, il n'y a aucune explication à faire un jeu comme ça. Hein. Ça c'est partie des choses dont je voulais parler ce soir par rapport au sujet. Donc, sur le coup, on va pouvoir rentrer sur les point and click. Ce petit là. Voilà. Ouais, les point and click, ouais. À savoir les jeux qui ne nécessitent pas d'aptitude particulière pour jouer à la manette, oui, ni au clavier, ni à la souris, et qui ont bien dû, eux, inventer un nouveau type de difficulté pour évidemment justifier, comme tu dis, l'achat d'un jeu et d'un certain nombre d'heures jouées. Et donc, le point and click est passé par... Alors, il y a des point and click donc, qui étaient relativement acceptables, avec des énigmes dont il était possible de trouver des solutions humainement. Mmh. Et il y a eu les point and click qui faisaient franchement n'importe quoi. Et le problème, c'est que le genre, pour moi, j'ai eu l'impression que le genre a sans arrêt navigué entre les deux. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, vous, comme expérience du point and click ? Est-ce que pour vous... Discord. J'adore ça. Moi, j'adore ça. Aussi, mais... Spy Fox. Il y en a certains qui m'ont traumatisé, par contre. Ouais. Bah, après, il y a le problème des point and click, c'est aussi, je vais prendre un cas en particulier, c'est Discworld 2. J'adore Terry Pratchett. Je me dis que la personne qui ne connaît pas Terry Pratchett... Ah, mais c'est horrible. Mais le jeu commence à jouer, déjà, au-delà de l'univers particulier du disque monde, voilà. Si tu ne connais pas les mécaniques de Terry Pratchett... Sa façon de penser, parce que tu as lu les bouquins, le jeu, tu le finis jamais. Il y a des choses qui sont tellement. Par contre, moi, j'ai découvert le jeu, j'ai découvert Discworld 1, et ensuite j'ai lu les bouquins. Mais le jeu m'avait traumatisé bien avant. Bah oui. Et du coup, ça m'a donné envie d'y revenir tellement c'était barjot. Ça, c'est bien, parce qu'après, c'est du Terry Pratchett, mais c'est vrai que si t'es pas dans cette optique-là, si tu connais pas, il y a des choses. C'est mort, hein. Tu peux pas trouver. Tu peux pas. Sauf si t'essayes tous les objets, ou alors tu vas avoir une solution. Oui. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est le point and click. Il y a des moments, c'est tellement capillotracté. Oui, mais voilà, c'est des erreurs de design. Tu vas essayer tous les objets. C'est pas vraiment une erreur de design, c'est juste que c'est. Non. On te demande de penser. Voilà. Il faut que tu penses comme le jeu. Propre jeu. Voilà. C'est compliqué. Oui, non, mais je veux dire, tu peux pas obliger le joueur à avoir lu tout Terry Pratchett avant de jouer, quoi. Tu veux dire, non, il faut que ce soit accessible, il faut qu'il pense à l'accessibilité du chose. Donc je pense que c'est une erreur. Et après, t'as des point and click où il n'y a pas ce background de livre. On te demande de penser comme dans le jeu. Et c'est ça qui est compliqué. C'est de rentrer suffisamment dans le jeu pour rentrer dans la tête du développeur. Est-ce que je dois faire ça? Et il y a masse de Sam and Max et compagnie, ouais, c'est vrai. C'est exceptionnel, Sam and Max. J'adore Sam and Max. Mais oui, c'est... Après, il y a d'autres point and click, d'autres séries de point and click connues qui ont quand même fait en sorte de rester plus accessible pour le joueur. Il y avait notamment les Indiana Jones. Fate of Atlantis. Qui restait plus acceptable. Et ensuite, il y a eu des séries très connues, donc les Broken Sword et les Runaway qui sont sortis après, qui étaient quand même des jeux qui essayaient de... Comment dire, de pas proposer des solutions tordues. On va dire que c'était beaucoup plus réaliste, effectivement. Tu prends un Maniac Mansion et tu prends un Chevalier de Baphomet. Après, il y a le grand écart. Il y a beaucoup aussi de ces point and click, on dit bah, c'était capillotracté, c'était foufou, mais c'était surtout pour accentuer un peu le côté humoristique en fait du jeu. Non ? Oui, tu parles des Monkey Island en particulier. Oui, voilà. Pareil, pour les Discworld, c'est pareil. Et puis, c'est des univers qui ne sont pas censés être réalistes, là où les Chevaliers de Baphomet et les Runaway sont quand même très terre à terre, très réalistes. Donc effectivement, il ne pouvait pas partir dans des considérations qu'on pouvait voir dans sa même hâte. Effectivement, oui. Mais ça dit, parce qu'on parle donc les LucasArts en particulier, celui que j'aime beaucoup des LucasArts et qui reste toujours mon préféré, c'est Full Throttle. C'est un qui est bizarrement pas si difficile que ça par rapport aux autres. Il y a quelques énigmes qui sont assez what the fuck, mais dans l'ensemble, oui, tu peux le faire sans trop de difficultés. Et on passait un agréable moment en plus. Parce qu'en fait, on se dit aujourd'hui, à l'heure d'Internet, trouver une solution à un point and click, ça prend 3 secondes. C'est un peu dommage. À l'époque. C'était un enfer. Voilà, il y a certains magazines qui proposaient des solutions. Mais finalement, jouer à un point and click avec la solution, c'est. Bah, ça sert un peu à rien quand même. Dans la mesure où le jeu ne demande pas d'aptitude particulière, ça équivaut à lire un livre. De la patience et de la logique. Une logique particulière pour certains jeux, mais une logique. On va dire la logique du jeu. Est-ce que c'est pas un genre qui est un petit peu tombé en désuétude, Point and Click ou... Je sais pas, parce que le Grim Fandango et tout ça reviennent bien hein, quand même. Hein. Non, parce qu'il y en a toujours qui sortent. Il y en a toujours qui sortent. C'est un genre. J'ai parlé de Broken Sword, de Chevalier de Baphomet 5, sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais lui, il a mal été marketé aussi. Malheureusement. Il y a Point and Click là, qui est sorti là. Ouais, voilà, jamais de bol. Timbleweed Park, Park là. Ouais, il paraît que tout le monde dit que c'est oui, bien. Oui, en plus, lui, il sort sur la mode années 80. Ouais. Il y en a un qui est sorti très récemment là, c'est Tumblebrook ou je sais pas quoi, un nom à la con là, ouais. Oui. Un peu bizarre. Non mais c'est un genre qui continue toujours à se vendre malgré tout parce que c'est voilà, c'est pas les jeux les plus difficiles à faire quoi. Ouais. La difficulté des tout premiers Point and Click c'était aussi, il fallait taper sur ton. Ouais, je vais tout le temps parler de ça, mais c'était l'ergonomie qui était pas encore super au point au début et qui s'est simplifié et qui s'est vraiment rendu accessible à plus de monde quoi. Où avant il fallait vraiment taper des commandes au pif, ensuite bah, c'est ça, tu prends les King Quest, je crois que c'est King Quest hein, le premier où il fallait vraiment voilà taper ouvrir porte, ensuite t'as eu les mots clés, ensuite t'as eu l'inventaire et tout, et là là c'est devenu super accessible. Par contre voilà, les logiques devenaient de plus en plus Ouais, mais justement, génial, tu soulèves un point important, bon, c'est que j'ai eu... Moi, est-ce que tu mets le Bosdick, le manoir de Morteville, en point and click, toi ? Pour moi, je pense que c'en est un. Ouais. Enfin, c'est un jeu d'aventure. Ouais, je sais pas. C'est comme croisière pour un cadavre. La différence, c'est que tu diriges ton perso aussi. Hein. Ouais, parce que justement, moi, souligne le truc, c'est l'ergonomie qui était mal faite, c'est qu'à un moment, je connaissais la solution. Mais j'avais beau le faire, ça fonctionnait pas, quoi. Tu vois, Ouais. Et là, c'était insupportable avec le truc dans la cave. C'était ça arrachait les cheveux. On peut parler aussi de tous les jeux Sierra hein, de la grande époque. Mais oui, les jeux étaient difficiles et super exigeants. Voilà. Parce que c'est le truc, c'est savoir aussi ce qu'il faut faire. Dans ce genre de jeu où tu devais taper des commandes, effectivement, bah voilà, fallait trouver la bonne commande pour pouvoir avancer. Et rejouer à King Quest maintenant, bah ça pique, hein. Beaucoup. Après, est-ce que paradoxalement, ça vient pas, comme tu dis, la plus grande accessibilité ou une meilleure ergonomie, est-ce que le problème, c'est que finalement, on n'a pas réduit les possibilités pour moins perdre le joueur et plus le prendre par la main ? Sur des jeux d'aventure, on peut même aller encore plus loin par rapport au point and click, on peut aller taper dans les jeux d'aventure textuels. Oui, bah comme Zork, c'est quoi ces Zork, le premier, non ? Et le problème, c'est tu pouvais taper des trucs, plein de trucs, mais en vrai, il y avait toujours que deux ou trois solutions qui allaient marcher, et tout le reste, c'était des réponses bateaux, en mode « Ah, tu peux pas faire ça, ah, je ne sais pas. » Du coup, c'était exactement ça. Du coup, en amenant une interface graphique, en amenant d'autres solutions... On n'a pas vraiment réduit les possibilités aux joueurs, on a juste rendu ça plus instinctif en décrivant mieux la situation. Plus amusant aussi. En décrivant mieux la situation. Il existe un truc avant Zork, Bosdick. D'accord, c'est quoi ? Qui s'appelle Colossal Cave Adventure. Ah, effectivement. C'est un truc qui était développé sur un ordinateur très peu connu qui s'appelle le PDP-10. Et après, il y a eu des portages sur Apple II et TRS-80. Voilà. Et voilà. Ouais, je sais pas si on peut vraiment dire qu'on a réduit les possibilités joueurs. Ah, disons qu'on on a réduit les possibilités qui se plantent, ouais, c'est vrai quand même. Dans les premiers point and click avec interface graphique, on avait le choix parmi pas mal de verbes. Oui, c'est ça. Finalement, ça a été remplacé par des icônes généralement dans les jeux suivants, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de possibilités. Ou peut-être que, sur le coup, l'interface faisait en sorte d'éliminer d'office les choses qui n'étaient pas logiques de faire ou qui n'étaient pas censées. En fait, c'est ça, ouais. C'est ça que je voulais dire, moi. C'est... Vu que tu étais moins... Mais d'un autre côté, vu qu'on élimine tout ce qui n'était pas logique directement et tout, tu es moins submergé par les infos et tu vois plus facilement ce qu'il faut faire. Donc, on t'a simplifié le travail, mais est-ce que enlever... les choses qui n'allaient pas, c'est de la simplification ou c'est juste du bon sens et c'est ça qu'il faut faire, tu vois ? C'est, je vais prendre l'exemple de Majora's Mask. Alors c'est un peu plus loin dans le futur, hein, mais dans la version 3DS, ils ont viré certains trucs qui n'allaient pas. Ils ont amélioré le système de sauvegarde. Ils ont mis un journal qui se remplit mieux et tout. Et les gens ont dit « mais il est trop simplifié et tout ». Alors que moi, j'appelais ça des erreurs de game design dans l'original, en fait. Oui, en termes d'ergonomie, c'est meilleur et plus agréable à jouer. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est mieux, c'est tant mieux. Quand tu enlèves les erreurs de game design, ça simplifie peut-être le jeu, mais ça fait un jeu qui est plus cohérent, qui est plus logique. Et plus agréable à jouer. Moi, je ne sais pas. Parce que c'est ça, oui, la question. C'est... est-ce que, la difficulté est dépendante aussi de la personne qui va jouer, et oui, il y a des gens qui vont aimer buter pour finir par passer. Mais oui, c'est l'envie du challenge, hein, c'est tout. Quoi. Et il y a des gens qui vont considérer que justement le plaisir, c'est de faire des niveaux qui sont bien faits, cohérents, et d'arriver au bout, et d'être content d'arriver au bout sans forcément avoir pleuré des larmes de sang. C'est comme ça que Nintendo aborde le jeu vidéo maintenant. C'est ça, pour moi, que je trouve qui est super intéressant, avec notamment le Mario Maker et le futur Mario Maker 2 qui arrive. Mario Maker, il pose quand même une question très intéressante, à savoir que est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire juste des niveaux hardcore pour le plaisir qu'ils soient hardcore, et avoir juste donc une très faible minorité de personnes qui s'acharnent dessus. Parce que c'est un petit peu ça qui arrive avec un remaker aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on voit du Mario Maker en stream, j'ai rarement vu des gens qui font une partie en mode normal pour faire des niveaux pas trop durs. Non. Si je joue à Mario Maker, c'est pour pleurer des larmes de sang. Le problème aussi de Mario Maker, c'est que si tu mets le jeu en mode normal, c'est le mode sans Mario, je suppose, auquel tu fais référence. C'est que tu tombes sur... en fait, c'est des niveaux de merde, tu sais. Tu vas courir, il va y avoir un trou, tu sautes par-dessus et c'est bon, t'as fini le niveau. C'est aussi là où on voit la difficulté, c'est que tout le monde n'est pas game designer. Clairement. Et ça, je suis content que Mario Maker soit sorti. Parce que je pense que ça a fait fermer la bouche à plein de monde. La difficulté, c'est pas drôle. Il y a des gens qui, effectivement, s'aperçoivent que c'est bien, Casio Mario, quoi. Des gens qui s'aperçoivent que faire un niveau, c'est pas facile. C'est un métier, ou un art, diront certains, mais tout le monde peut pas le faire, tout le monde peut pas y arriver. Tout le monde peut pas y arriver instinctivement, en tout cas. On peut toujours apprendre, mais. C'est en ça que je trouve que subtilement, la ressortie de New Mario Bros. U sur Switch, et Luigi, donc Bros. U sur Switch, montre que. Il y a un vrai effort de game design dans ces jeux, et c'est pas des jeux qui sont révolutionnaires d'un point de vue technique, ni d'un point de vue graphique, ni d'un point de vue même gameplay, mais c'est un jeu qui est juste tout du long, et qui va proposer une expérience qui est jamais gratuite et jamais frustrante de notre côté. Si on prend l'exemple de Nintendo, on a toujours considéré que Nintendo faisait des jeux pour enfants. Rappelez-vous de Mario, voilà. Mais rappelez-vous, Yoshi Island. Yoshi Island, il n'est pas gratuit. Hein. C'est pas pour enfants, et je le redis, et je m'énerve souvent, c'est pour tout public. C'est pas pareil. Sauf que Nintendo, il a toujours eu cette image-là. Oui. Sauf que maintenant, ils l'ont encore plus, parce que tous leurs jeux qui ressortent, ils mettent un mode facile. Voire très facile. Donc, c'est pire qu'un mode facile, c'est que, si tu... échoue trop dans un niveau dans New Super Mario Bros, Mario rentre dans une bulle et il arrive directement à la fin du level. Tropical Freeze, ils ont fait mieux, ils ont mis Funky Kong dès le début, le perso le plus simple qu'ils veulent pour... Je peux t'assurer... jouer sans être frustré. Je peux t'assurer, Tropical Freeze, même avec Funky Kong, quelqu'un qui n'est pas très doué aux jeux de plateforme, il va pas y arriver facilement. Par contre, c'est plus simple. Je veux dire là avec Mario, la bulle qui te fait passer le niveau quand tu n'y arrives pas, c'était pas comme ça dans les autres Mario. Hein. Ah bah non. Je te dis que. Ça c'est une option. Encore une fois, ça c'est une option. Je suis d'accord. C'est une option, mais elle est là. C'est vrai que la difficulté auparavant, Mais après, c'est un parti pris pour rendre leur jeu accessible là. Tout le monde, c'est ça, oui. Frustrer les gens. Mais après, honnêtement, pour un jeu de plateforme, je perçois mal l'intérêt Pour un RPG, tu vois, un combat qui est trop difficile ou autre, paf, on propose de le zapper, je peux comprendre l'intérêt, parce qu'on peut continuer l'histoire, on peut voir ce qui se passe après et tout. Pour un jeu de plateforme, le but étant, y a pas d'histoire dans un Mario, tu vois. Te forcer, ou alors peut-être pour te dire, t'arrives pas celui-là, mais peut-être celui d'après t'y arriveras, je sais pas. Bah, c'est parce qu'aussi l'exigence des joueurs, elle a peut-être changé. Ouais, peut-être que maintenant on joue plus au jeu pour le challenge, mais pour arriver au bout. Je pense effectivement qu'il y a une partie des joueurs. Ça fait venir justement à l'autre, une des autres axes suivants d'approche de la difficulté. Est-ce que absence de difficulté signifie que c'est un jeu ou que c'est toujours un jeu vidéo? Et en particulier, donc on pense aux jeux qui ne nécessitent ni des aptitudes à la manette, entre guillemets, ni une compréhension particulière comme dans la point and click de l'univers et de réflexion, à savoir tout ce la voie qui a été ouverte par tous les jeux du style Sims, et qui a été qui après dans, on a vu évoluer dans Stardew Valley récemment, il y a donc surtout Animal Crossing. T'as les Walking Simulator aussi. Voilà. Et qui et surtout donc les derniers dans les sur les dernières consoles, l'ouverture vers ce nouveau style de jeu comme Flow, Flowers et Journey, Firewatch, Walking Simulator, Gris, où finalement une expérience, l'expérience qui est proposée. Il y a une absence totale de difficulté. La difficulté disparaît au profit d'une expérience. Voilà. Ça reste quand même un jeu. Oui, c'était ta question, bien que tu demandais si c'était encore du jeu vidéo. La question, c'est est-ce que c'est encore un jeu, oui. Évidemment. Moi, je pense que oui. Voilà. Je veux dire, parce que c'est une expérience, quand même. Disons que manette dans les mains, tu diriges un perso. Ouais. Voilà. Dans jeu vidéo, il y a jeu, donc je pense à part moi, tu es diverti, je pense que oui, ça. Oui, parce que jeu, c'est pas forcément challenge. Hein. Non, effectivement, après, en absence de challenge, c'est pas parce que le jeu est pas difficile qu'il sera moins bon. Après, ça dépend ce que tu recherches effectivement quand tu joues. C'est marrant qu'on cite les Sims et consorts, mais personne connaît un jeu qui s'appelle Little Computer People, sorti entre autres sur Commodore 64. Si, mais ça c'est l'ancêtre des. Ouais, voilà, mais ça a été codé entre autres par David Crane. Il a fait quoi sur Atari Outlaw, il a fait Pitfall. Tu sais, David Crane, je me rappelle surtout pour David Crane, Amazing Tennis, moi. Oui, par contre, il a fait aussi Bart contre les Space Mutants. Non, celui-là, on l'oublie, parce qu'en termes de difficulté, ça repart. On va essayer. Non, parce que tu vois, non, mais l'exemple que tu as donné, il est parfait. Il était injuste, ce jeu. Et surtout incompréhensible à plein de niveaux. Voilà. Bard versus Space Mutant, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire dans les jeux vidéo. Si je ne veux pas frustrer les gens. En fait, c'est pas ça. C'est que je pense qu'à cette époque, les développeurs disaient bon, tu as un bouton pour courir, tu as un bouton pour sauter, mais on s'en fout que ce soit inversé comparé à Super Mario Bros, par exemple. Alors que Super Mario Bros avait instauré un standard. Voilà, au lieu de suivre le standard, eux, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre guillemets, l'erreur de game design, ils sont pas du tout. Mais il fait partie des jeux aussi que si tu connais pas l'univers des Simpsons, comment tu peux savoir que Bart doit téléphoner à Mo pour le faire sortir? Oui, ou que dans le dernier niveau, c'est Maggie qui a la dernière barre d'uranium. Voilà. Comment savoir? Mais c'est ça. Hein. Donc c'est le parfait exemple. Mais pour. La question de l'absence de difficulté aussi, est-ce que ce type de jeu et cette absence, pour être précis, de challenge et cette absence surtout de demander d'apprendre des mécaniques quitte à buter dedans, est-ce que c'est des jeux qui s'adressent plus facilement? Attention, pente glissante, je vous le dis. Fais gaffe, fais gaffe à ton choix de mots. Qui s'adresserait peut-être plus à un public féminin au départ? Puisque dans tout ce qui est type jeu, Animal Crossing, Stardew Valley, j'en parlais notamment, des jeux qui sont joués beaucoup plus par un public féminin que n'importe quel Dark Souls. Je pense que on est un petit peu d'accord là-dessus. Ah, je vais peut-être devoir me désolidariser quand même là. Non, mais après je ne sais pas. Mais après c'est tout, c'est pareil. Je pense que parce que Nintendo a pensé à ça quand il a fait le jeu, c'est-à-dire quand il a fait Animal Crossing et qu'il s'est dit dans sa tête, ce jeu sera adapté. Oui. pour le sexe féminin. Totalement. Je pense que dans la tête. Raison que tu choisis le sexe de ton personnage dès le départ. Ah, mais moi je suis pas sûr hein, quand même. Animal Crossing. Le premier choix qui t'est donné dans Animal Crossing, c'est est-ce que tu es un garçon alors, est-ce que tu es une fille. Alors, dans... Beyond, je vais. Alors, Beyond, je vais. Non, mais. Voilà. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, je vais dire un truc. Oui. La première chose que tu fais dans Contra Hard Corps, c'est choisir ton personnage. Et de là, il y a un garçon et une fille. Non, mais t'as le slug aussi. Hein. Et je suis pas certain que du coup, ton argument tienne la route. Oui, mais dans Hard Corps, il n'y a pas que. Voilà, c'est le premier épisode où vous. Enfin, c'est le. Parce que dans ce cas-là, tu voudrais dire que Contra Hard Corps a été fait pour les gars, les filles, les loups-garous et les robots. Pour les loups-garous, je suis d'accord. Dès le premier épisode d'Animal Crossing, le premier choix qui est donné, c'est soit un garçon, soit une fille. C'est pas un hasard. Nintendo savait ce qu'il faisait, à qui il comptait s'adresser. Oui, peut-être. Mais par contre, par contre, pour être un peu plus cynique, je pense qu'à la base, oui, dans la tête des développeurs, c'était ça l'idée. Ce genre de jeu. S'adresser au public. Dans une première partie. Et ils se sont rendu compte que. Je pense pas que ça change grand chose. Si t'es pas d'accord. Ah, merci. T'es pas d'accord. Ah ben on veut connaître l'avis mais, de la cible. Mais moi, j'ai envie de dire, en vrai, ça, ils se sont très vite rendu compte que ça changeait pas grand-chose, en fait. C'est ce que j'allais dire. Animal Crossing, tout le monde y joue. Voilà, c'est comme ça. C'est oui, bien. Oui, voilà, puis, parce voilà. Que sinon, je pense que... Mais alors, la cible n'était pas d'accord. Je pense qu'on peut écouter. Vas-y. Bah, en tant que fille, je pense pas que ce soit un jeu pour les filles. Voilà. Et c'est un jeu que l'argument... L'argument garçon-fille comme choix au départ, une fille peut très bien choisir un garçon. Moi, je choisis des persos féminins quand on donne le choix. Et voilà, vous choisissez des personnages féminins dans d'autres jeux, donc non, ça, c'est pas valable comme. Voilà, moi, je suis plutôt de cet avis-là, mais. Ouais, mais c'est vrai qu'Animal Crossing. Tu veux dire par là que tu préfères pas jouer à Animal Crossing, Gorogoa ou Firewatch parce que ça t'enlève la frustration de devoir bien jouer. Oui, ça, c'est pas parce que je suis une fille, c'est parce que je sais pas bien jouer. Comme il y a des garçons qui ne savent pas bien jouer. Voilà. Et qui vont être frustrés aussi parce qu'ils ne savent pas bien jouer. Et j'en connais... Bah, plein. Il y en a plein. Beaucoup, crois-moi. Il y en a plein. Beaucoup. Voilà. Quelque part, c'est un droit de mal jouer aux jeux vidéo. C'est ça. Et de pas vouloir être buté par une difficulté et vouloir juste... Mais profiter en fait. Mais par contre, je le redis, mais vraiment, je crois que dans la tête des développeurs, à la base, ce genre de truc, c'était ça. Hein. Et ils sont complètement. Vous voyez, pour moi. Surtout à cette époque-là. Maintenant, beaucoup moins, parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait un vrai marché. Ah oui, ils se sont fourvoyés totalement. Pour tous les jeux. Parce que les femmes jouent à tous les jeux. Exactement. Elles jouent vraiment à tout. Sauf qu'à l'époque, c'était pas aussi évident de leur faire comprendre. Et il a raison. Et en plus, yoga. Et jamais de bol, il a raison. Il y a un jeu Barbie sur Game Boy Color, je crois, mais qui est d'une difficulté, mais atroce. Mais c'est un truc. Mais c'est à se pendre. Mais pourquoi il est difficile? Parce qu'il est mauvais. Le jeu est mauvais, mal codé. C'est un jeu LGM. Ah si, je me souviens aussi de La Belle et la Bête sur Super Nintendo. Un grand moment. Ah oui, ça c'est... Non, parce que si c'est un jeu LGN, c'est normal qu'il soit difficile. Et si c'est Barbie, je pense que c'est LGN. Ouais, pas forcément. LGN, c'est pas mal. Hein. Merci pour mon assistante, t'es viré. Merci Pulpi. Non, mais non, merci Pulpi, voilà. Non, surtout d'avoir mis dans l'embarras Beyond, merci. On te remerciera jamais assez. On apprécie ça. Après, on parle, tu sais, Beyond, tu parlais depuis tout à l'heure, tu sais, des jeux point and click, dans le sens des jeux qui ne demandaient pas un réflexe, tu sais, de dextérité, de maniabilité, tout ça, mais plus une réflexion. Moi, je pensais, dans cette catégorie-là, il y avait quand même des jeux comme Adventure Flolo, par exemple, sur NES, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Des puzzle games, oui. Et ben ça demandait pas une maniabilité énorme, hein. Mais on pouvait rester des heures sur un plateau. Mais quand je dis des heures, c'était des heures. Boy and His Blob, tu le mets aussi dans ce. Voilà. C'est parce que c'était gratuit aussi. Hein. Oh là là, mais c'était terrible. Hein. Mais c'est vraiment agréable à jouer par contre. Hein. Ça, tu vois, c'est une forme de difficulté qui me gêne pas parce qu'il y a forcément une solution, tu vois. Et t'es obligé de rester dessus en fait. Donc c'est vraiment. On peut parler de Solstice aussi en termes de difficulté. Hein. C'est oui, pas Solstice. Ouais, mais Solstice demande une maniabilité quand même. Mais là, la difficulté, est-ce qu'elle est... je pense qu'elle est aussi due aux limitations techniques et à la maniabilité du jeu. Parce que le jeu était difficilement maniable. Oh, ça le rend encore plus difficile. Oui, bah, Solstice, réjouis-y. Bah oui, oui, Solstice, c'est pas un puzzle game. Solstice, c'est un jeu de plateforme. C'est vrai. Ouais. Ah, avec des mécaniques. Bah, si, il y a quand même des mécaniques c'est de puzzle. C'est un jeu de plateforme. Oui. C'est même un jeu, c'est pire que ça. Solstice, c'est un jeu qui te demande de jouer avec sa propre physique pour arriver au bout de certaines salles, comme le fait de faire apparaître un bloc en plein milieu d'un saut pour prendre appui dessus, quoi. Solstice, c'est un des premiers jeux de gameplay émergent, j'ai envie de dire. Oui, et sale. Parce que moi, j'en garde des souvenirs. Et... Mais moi, la difficulté de Solstice, dans les souvenirs que j'en ai, c'était pas du tout au niveau de la maniabilité, hein. C'était au niveau du labyrinthe la en lui-même. Hein. C'était ça, hein, qui me posait moi, problème. Moi, c'était plus la 3D isométrique qui m'a... C'est... Oui, non, mais totalement. Qui m'a traumatisé. Parce que ce genre, la 3D isométrique... Non, c'est pas la labyrinthe qui posait problème. Moi, c'est mourir comme un débile sur des sauts quasi impossibles à faire. Hein. Voilà, maniabilité. Ouais, la maniabilité à ce moment-là. Maniabilité était, oui, mais pas parce que c'était précis. C'est de te demander une précision qui était presque absurde par moment. Je pense que c'est plus les dimensions bizarres dues à la 3D ISO, en fait. Oui, parce qu'on n'arrivait pas à évaluer les distances. J'arrivais pas à évaluer les distances, moi. Tu prends même un jeu un peu plus simple qui est Snake Rattle and Roll, qui est fait par Rare sur NES. Mm. J'ai toujours autant de mal à... Ah, mais les jeux Rare, les premiers sur NES, étaient infect. Battletoad, hein. Oui. Mais de toute façon, Rare était spécialisé aussi dans la 3D isométrique. Et ils avaient aussi sur Spectrum, Nightlore et Pentagram, je crois. Ouais, Pentagram. Voilà. Qui utilisait, il me semble, aussi la 3D ISO. Et de toute façon, ça, c'est une autre histoire, on va dire. Et vous aussi, ouais. Ouais, tu t'auras cherché ce qu'il y avait d'autre, mais non. Un petit mot rapide pour concernant l'avenir des jeux, l'avenir des jeux vidéo et la difficulté. On a vu Capcom faire une tentative avec son remake de Resident Evil 2 qui est passé un peu sous silence, alors que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui pourrait être une des réponses quant à la difficulté et comment vont évoluer les jeux. Le remake de Resident Evil 2 propose une difficulté qui s'adapte à la façon dont le joueur joue. Alors, je tiens à dire que ça fait très longtemps que Capcom l'a mis dans les Resident Evil, cette difficulté. Ça s'appelle le rank. Oui, c'est même utilisé dans les speedruns, où des fois on va faire exprès de se prendre des dégâts, ça fait baisser ton rank, du coup la salle d'après, les ennemis vont être moins forts, et du coup, on va passer la salle plus rapidement. Donc dans c'était le... déjà en vigueur dans les jeux il y a 20 ans. Par exemple, dans Resident Evil 4, je crois, c'est déjà en vigueur. Ouais, je sais plus à partir de quand. Pas il y a 20 ans, si. C'est pas depuis le premier Resident Evil. Non, je sais plus c'est depuis lequel, justement. Je sais plus c'est depuis quel Resident Evil. Mais, le rank existe pas... dans les shoots, et même dans les premiers shoots. C'est pas tes codes Veronica, c'est l'histoire de rank. Je sais plus. Mais par contre, c'est une façon intéressante de gérer la difficulté. Oui. Parce que tu joues, tu t'en sors très bien. Tiens, un autre exemple, Street Fighter 2, le mode arcade. Street Fighter 2 Turbo. Quand tu meurs, les ennemis, l'adversaire baisse son niveau de difficulté. Et quand tu réussis, il gagne une étoile. L'adversaire suivant va être plus difficile. Donc non, ça fait longtemps. Et c'est encore un jeu Capcom. Et c'est très très bien ça, parce que du coup tu t'en rends pas compte que le jeu t'a aidé ou t'as le niveau ça se scale par rapport à ton niveau actuel, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'es moins bon, le jeu baisse de difficulté. Si t'es très bon, il va augmenter. Apparemment c'est plus Resident Evil 3 les ranks, c'est le 3. Ok, bon bah ouais. Mais malheureusement c'est dans le remake, le problème c'est que est-ce que le joueur va jouer le jeu. C'est idiot ce que je dis. Est-ce que le joueur va jouer le jeu ou est-ce que justement il va avoir tendance à, comme tu dis, pour les speedruns, de baiser entre guillemets le jeu en se disant attends, je vais faire le mongolo, comme ça va être plus facile après. Ouais, non mais t'as ce genre de truc. Ça va amener une nouvelle dimension quand même. Mais tu vois, dans les speedruns et dans les superplays de Shoot'em Up, effectivement, ils vont faire exprès de baisser le rank pour pouvoir mieux repartir après et faire péter le score. Et tu as exactement par exemple, la même chose aussi, c'est toujours Capcom dans les Mega Man Zero, c'est pareil. Si tu fais les stages superbement, de manière parfaite et tout, le boss, il va avoir deux attaques en plus, dont une, mais qui va, qui va te démolir ta gueule, tu sais. Alors que si tu le fais avec plus de difficultés, le boss va être moins vénère. Et c'est pas mal. C'est pas mal, parce que du coup, en plus, pour les mecs comme moi, tu arrives et tu vois que le boss, il est pas plein potentiel. Tu te prends un coup dans ton ego, tu dis merde, ça veut dire que j'ai mal joué. Faut que je recommence. Je veux voir cette attaque. Ouais, non, mais après, comme effectivement, je pense que c'est. Les joueurs sont moins comme ça. Oui, bien sûr. Les joueurs, ils vont dire ah bah j'ai tué le boss, je suis content, quoi. Je pense qu'effectivement, on est arrivé à un niveau où la difficulté dans un jeu n'est pas importante. Bah, disons que c'est surtout qu'il y a plusieurs types de joueurs. Il va y avoir, comme Buzz dit, comme on l'a dit concernant les AAA sortis ces dernières années, on parlait d'Horizon, on parlait de la trilogie Tomb Raider, on a parlé d'Assassin's Creed notamment ou de Spider-Man. Pour nous, les vieux de la vieille, entre guillemets, les jeux nous ont paru d'une difficulté ridicule en mode normal. Bah, ouais, je ne peux plus jouer en mode normal. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que je me suis amélioré au fil des années? Ou est-ce qu'ils ont volontairement baissé la difficulté pour satisfaire tout le monde? Mais on ne va pas faire les faux naïfs, évident, qui baissent la difficulté. Non, mais tu peux toujours te demander, tu poses la question. Non, mais ça flatte le joueur, forcément. Du coup, il est content, il va racheter. Enfin, on a une preuve que la difficulté baisse, parce qu'à côté de ça, on a justement des jeux comme les jeux From Software, comme Nioh, ou comme on l'a vu l'année dernière, God of War. Lorsqu'ils arrivent en posant leur... Non, je vais pas dire ça. Leurs attributs sur la table. Voilà. Parce que God of War, c'est un des la première chose quand le jeu est sorti, que les streamers et les gens, dans ces jeux, ils ont dit bon, alors on va voir ce jeu. Ouais, de toute façon, moi je joue en difficile. Ils ont mis le jeu en difficile. Ils ont fait qu'est-ce qui se passe? C'est d'autant plus traître, c'est que la série, comme c'était un beat'em all à la base, et ça ne l'est plus dans cet épisode-là. C'est surtout ça. C'était très très accessible, hein, pour pas dire c'était easy. Hein. Alors que là, c'est devenu un Dark Souls dans les mécaniques. Hein. C'est Ouais, mais c'est là, je pense qu'on va venir au problème du jeu en lui-même. Maintenant, on a décrété que quand un jeu était difficile, c'était un jeu à la Dark Souls. Mais là, je parle pas au niveau difficulté, c'est que ça se joue vraiment plus comme un Dark Souls dans le personnage, quoi. Mais on a vu des. C'était ça aussi, un peu le souhait du sujet. Hein. C'est. Oui. À temps en temps, l'impression qu'un jeu, importe du coup quel sera son genre. Si à un moment tu meurs trop de fois d'affilée, on va dire ah putain, c'est le Dark Souls du. J'ai entendu ça pour Céleste. Pour Céleste, je m'en remets toujours. Et c'est dingue quoi de te dire ah ouais, le jeu a tellement marqué. Et moi, pour avoir joué au premier Dark Souls, et je peux même me permettre d'en parler parce que c'est presque rétro maintenant ce jeu. Ouais. Bah, pour moi, la difficulté n'est pas d'un truc maîtrisé en vrai. Ouais, la difficulté, elle dit. Du fait que tu contrôles un semi-remorque dans Dark Souls, qui met du temps à réagir, et c'est ce qui fait que ça rend le jeu difficile, c'est que c'est à nous de réapprendre à se dire ah oui, alors attends, si j'appuie sur le bouton là, il va préparer l'attaque, puis la lancer et toucher et enfin faire l'adversaire. Une roulade qui va durer 350 000 ans. Et c'était ça là, pour moi la première difficulté de Dark Souls, c'était de me dire ah oui, c'est un jeu à la troisième personne, mais par contre il est pas vénère comme Bayonetta. En gros, je fais simple. Il fallait aussi surtout se dire attention, là je vais donner un coup d'épée ou je vais faire une roulade, mais j'ai que quelques frames où le truc va être efficace. Le reste, je risque de prendre cher. Donc, il va vraiment falloir timer, faire attention, réfléchir. Voilà. Par contre, une fois que t'as appréhendé ça, que t'as compris ça, le jeu, tu commences à y prendre du plaisir et à. Mais surtout, c'est à quand comprendre tu connais ce qu'on veut de toi. Dark Souls, le fait aussi, c'est que Dark Souls, c'est un jeu où. Quand tu connais les ennemis où ils sont, parce que le jeu, il est toujours pareil, les ennemis sont toujours au même endroit, tout le temps. Et c'est ça aussi, c'est une question d'apprentissage. Il faut apprendre le jeu. C'est un jeu, il faut prendre du temps, il faut prendre le gameplay en main, et c'est ça qui a fait bizarre aux gens, en fait. Mais c'est pour ça que Bloodborne, il a explosé aussi, parce que Bloodborne, il a rajouté une mécanique qui est l'esquive. Et la rapidité du jeu. Le jeu est. Et peut-être que finalement, il n'y a pas. Peut-être que Dark Souls, voilà, c'est un vrai faux problème. C'est juste qu'il arrive. Il était là au bon endroit, au bon moment, et que c'est devenu un mème, c'est devenu générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est un Dark Souls, mais dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on utilisera un autre jeu pour parler de la difficulté. Bah oui, parce qu'il est arrivé à un moment où la difficulté n'était plus au centre du jeu. Tu parlais de Céleste. Ouais. Céleste, bien avant Céleste, il y a un jeu qui a quand même sacralisé toute cette difficulté, le Die and Retry dans le jeu de plateforme 2D classique. C'est Super Meat Boy. Meat Boy, totalement. Ah oui, totalement. Oui. Alors, je vais dire un truc ce soir, franchement. Personnellement, je trouve qu'un jeu comme l'Odyssée d'Abe sur PS1 est largement aussi difficile qu'un Super Meat Boy aujourd'hui, en termes de Die and Retry. Oui, parce que en fait, mais et encore une fois, c'est ça, c'est que Super Meat Boy, ce qui se passe, c'est on te met un gameplay aux petits oignons. C'est le gameplay de Super Meat Boy, il est incroyable. Du coup, on te met un challenge à la hauteur du gameplay. C'est-à-dire un truc, si tu maîtrises pas le gameplay, bah t'es mort et 50 fois. Et c'est totalement assumé, puisque même quand tu meurs dans Super Meat Boy, tu as ton replay. Oui. Mais après, Mike Millen, il a toujours été comme ça. Regardez The End Is Nigh. The End Is Nigh, il s'assoit sur Super Meat Boy en termes de difficulté quand vous voyez ce qu'il faut faire dans. Voilà. Oui, ça fait mal à ton ego si tu commences à jouer et que tu crois que t'es un bon joueur. Voilà. Et dans l'Odyssée d'Abe, eh ben, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un challenge à la hauteur du gameplay qu'ils proposaient. Oui. Et du coup, ça marche, c'est cohérent. C'est cohérent, ça marche. Et c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, Beyond. Bah, c'est aussi dur qu'un Meat Boy, mais c'est pas pour les. C'est deux styles différents, mais le truc, c'est voilà, on a un gameplay qui fonctionne. On va mettre des situations à affronter en adéquation avec ce gameplay. Et un très bon gameplay, parce que Gemet Ball, il le dit très bien, hein, on peut faire péter son perso. Dans ouais. À partir de là, meilleur jeu d'univers. Hein. Et ce qui me permet d'annoncer, le jeu le plus dur auquel j'ai jamais joué de toute ma vie, c'est pas Bloodborne, c'est pas Dark Souls, clairement pas. C'est pas non plus Contra 3 ou autre. Oui, petite parenthèse, je voulais faire justement un tour de table final pour terminer sur ce sujet. Et c'est pour ça que je me permets de le faire, voilà. Parce qu'il est 22h46 et je sais que Petit Pelle, il m'a dit, putain, si je parle pas de mon jeu, je vais être déçu, donc je me permets de lancer le sujet. Pour moi, le jeu le plus difficile auquel j'ai jamais joué, et de la difficulté où j'ai pris quand même plaisir à jouer au jeu, c'est Ninja Gaiden Black. Oh. Ah oui, sur Xbox. Ouais, alors moi j'ai joué à la version PlayStation 3. Ah oui, d'accord. Alors c'est le Sigma, ça Sigma, du coup. Oui, Sigma. Sigma, t'as raison. Ouais, d'accord. Parce que ouais, moi, j'y ai joué, mais sur Xbox. Et pour moi, ça, c'est le jeu le plus difficile auquel j'ai jamais joué de ma vie. Ah, et c'est exactement ce que je voulais dire avec Meat Boy. C'est, on joue un ninja. Donc un ninja, c'est quoi? C'est super rapide, ça utilise plein d'armes, ça fait des combos de 200 millions de coups. Par contre, du coup, l'ennemi te touche une fois, t'es mort. Parce que l'ennemi, l'ennemi était aussi rapide que toi. Voilà, l'ennemi, c'était aussi des ninjas. Tu combats même un tank à un moment. Donc, et ils font pareil que toi. Et les boss en plus, Seigneur. Oh, là, tu viens de m'en parler, c'est vrai que j'ai encore mal. Et ça, c'était un jeu putain de difficile et qui avait le gameplay totalement en adéquation pour le vaincre. Mais par contre, c'était de l'abnégation. Hein. Oh là là. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y avait deux raisons hein, pour cette difficulté dans ces nouveaux épisodes, c'est Ninja Gaiden, Sigma, Black, et puis ouais. C'est d'abord à cause du réalisateur hein, qui aime le challenge, hein, je sais plus son nom. Et puis le fait, c'est qu'il voulait tenir aux origines de la série, qui était déjà très difficile hein, c'était en 2D, déjà assez difficile. Ninja Gaiden. Oh, oui. Oui. Et donc du coup, ça faisait vraiment partie. De l'ADN de cette série en fait. J'ai essayé de rejouer il y a pas longtemps parce qu'il y avait la trilogie là qui était. Oui. Je me suis fait rouler dessus. Hein. Ouais. Bon, et toi, Monsieur Pell, qui essaie de gagner du temps, là, on est tous en train de le voir. un jeu qui sacraliserait pour toi la difficulté qui représenterait. Moi, dans les souvenirs de jeux très difficiles, c'était sur NES, c'était le Bayou Billy. C'était insurmontable. Il y avait trois types de gameplay hein, dans ce jeu. Hein, vous connaissez, non, sûrement. Ouais, faut que tu dises pourquoi c'était insurmontable. Oh, parce que c'est de la merde. Voilà, je voulais pas dire ça comme ça, monsieur Chou, mais. Mais oui, le jeu, il est mal codé. Le jeu, il est. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Essaye de jouer maintenant et regarde des vidéos de gameplay. Le jeu était dur. Écoute, je te fais confiance là-dessus. Mais non, dans mes souvenirs, c'était un jeu extrêmement bien réalisé, mais impossible à avancer parce que j'étais submergé d'ennemis, ça je me rappelle. C'était il y avait des trucs terribles. Le jeu n'était pas calibré, pas très bien calibré. Voilà, jeunesse. Et toi, monsieur Bosdick, alors ce serait quoi là, un jeu De la Master, il y en a deux. The Ninja, que j'ai jamais fini. Ouais. Tous ceux qui ont une Master System se rappellent de The Ninja. Ouais. Et Ghostbusters. Ah ouais, Ghostbusters Master System. Ah oui, où on t'indiquait pas ce qu'il fallait faire et on lâchait sur une carte qui voulait rien dire. Oui. J'ai fini le jeu. Hein. Je crois que c'est mon plus grand accomplissement de joueur. Là où j'ai le plus de joie, c'est ce jeu-là. Ouais, si on parle de jeu mal branlé, j'avais un autre prétendant au titre aussi. C'était Jurassic Park sur Super NES. Oh là là. C'est vrai. Et lui, je ne l'ai pas cité parce que lui, je le considère comme un jeu mal branlé. À savoir, c'est un truc d'ailleurs, on n'a pas pu en parler. C'est un jeu. Il n'a pas de sauvegarde. Et c'est juste ça qui le rend difficile. C'est juste ça. Tu rajoutes une sauvegarde au jeu, ça devient un bon jeu. Il n'a pas de sauvegarde, je ne l'ai jamais fini. Il était long en plus. Voilà. Il était beau, hein. Il était très Il y avait des phases FPS. Ouais. Quoi. Les musiques étaient stylées. T'avais des dinosaures, donc forcément c'était bien. Oui. Mais pas de sauvegarde. Et juste ça, pour moi, ça suffit à le rendre. Faire un mauvais jeu. Oui. Ouais, ça se tient. Hein. Voilà. Et toi, Monsieur Chou ? Monsieur Chou, oui. Jeu mal branlé, je sais pas, mais les jeux qui m'ont fait roter du sang et que j'ai jamais réussi à terminer, c'était quoi ? Ghost and Goblins sur NES ? Non, bah oui, le classique. Mmh. Non, mais ça, c'est pire, parce que ça a été le premier jeu auquel j'ai joué sur NES quand j'ai eu ma NES. Ah oui. Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai bienvenue. L'un de mes cousins avait acheté un Amiga. C'est pour vous situer un peu l'époque. Hein. Déjà, la NES était déjà un peu dépassée, mais bon, tant pis. Donc, j'ai racheté la NES. Et comme il y avait plein de jeux, il y avait aussi Zelda 2, mais pour le coup, lui, j'ai pas tellement joué à l'époque, donc je vais pas le citer. Mais voilà, c'est le premier jeu que j'ai mis dans la console. Et j'en garde un très mauvais souvenir. Et l'autre jeu, dans le genre, j'ai beau aimer le jeu, jamais j'ai réussi à le terminer, c'est Punch-Out. Ah oui, celui-là, tu nous en parles régulièrement, effectivement. Ça a l'air d'être un traumatisme pour toi. Ah, mais je peux pas. Et, il y a pas longtemps, j'ai été, comment dire, pendant une semaine, 5 jours d'affilée, en fait, j'avais 1h30 de break. Du coup, j'avais pris le jeu, j'y jouais, hein, voilà. Et même en arrivant, même en mettant le code, en fait, pour aller directement contre Tyson, ou je crois que c'est Mr. Dream, en fait, dans l'autre version, enfin bref. Mais même avec, genre, les strats, même en regardant ce qu'il faut faire ou quoi, tu te dis, ok, en fait, non, à cet endroit, j'ai cligné des yeux, non, faut recommencer. Punch-Out, qui est d'ailleurs utilisé pour tester l'input lag, généralement. Oui, voilà. Une espèce de jeu qui ne pardonne absolument rien. Et de voir qu'il y a des gens qui sont capables de le terminer les yeux fermés. Oui, ça fait mal. Hein. Puisqu'elle n'a pas encore fini de débarrasser ses affaires à son bureau, l'assistante, la difficulté pour toi, c'est quoi ? Et pour prouver que je suis une mauvaise joueuse, je n'ai jamais fini Alex Kidd parce que je n'y arrivais pas. Alex Kidd, Miracle World. Mais Alex Kidd, il y a des milliers de gens qui ne l'ont pas fini. Mais oui, hein. La dernière partie d'Alex Kidd, elle n'est pas gentille. Hein. Mais oui. Surtout quand C'était le seul jeu de la console et tant que je n'avais pas fini, je n'avais pas le droit d'avoir un autre jeu. Donc, je compatis, voilà. On a tous été dans ce cas-là. Moi, j'ai réussi à le finir, mais ça a été pendant des années. Ça a pris du temps avant que je le finisse. Donc non, c'est pas que t'es une mauvaise joueuse. C'est que le jeu, il est pas gratuit. C'est pour ça que je joue Animal Crossing. Ok. Alex Kidd, c'est vrai que... Ça va ou t'as besoin d'une psychanalyse? Moi, les jeux que je voulais citer, alors je vais raccrocher à la discussion qu'on a eue sur l'arcade au début, en particulier sur les shoot'em up. Un de mes shoot'em up préférés de la vie, j'en ai déjà parlé, c'est Darius Gaiden. Ah oui. Et pour moi, il symbolise aussi tout ce que peut être une difficulté mal dosée. Parce que Darius Gaiden est un jeu qui est d'une difficulté infâme. Ouais. Mais vraiment, même pour des joueurs qui aiment les shoot'em up. Je vais voir parce que je me dis que j'aurais pu citer. Raiden sur arcade. Oui, j'aurais pu citer n'importe quel shoot'em up en fait, c'est vrai. Et l'autre jeu dont je voulais parler aussi, qui pour moi vraiment, c'est un jeu que j'aime d'un amour fou et qui me frustre à un point, mais pas possible à chaque fois que je relance une partie. Donc toujours dans Escatric Shoot'em Up, une série d'arcade, mais le premier épisode console exclusif de cette série, c'est Gradius 5 sur PlayStation 2. Exceptionnel. Ah oui. Qui est fantastique, mais qui est vraiment aussi d'une difficulté. En même temps, d'une exigence. Tu parles du jeu de Treasure, là. Oui, le Treasure. Quelque part, c'est un peu normal, hein, quand tu vois qui a codé le jeu. Oui. Mais là, on n'est pas dans du manic shooter. Là, on est vraiment dans du old school. Oui, on est vraiment dans... Tu perds une vie, tu perds ton armement. Ouais. Et là, j'adore ce jeu. T'as les bras qui tombent. Tu fais... Ah ben, je l'ai racheté sur PS3. Je l'avais racheté sur PS3. J'adore ce jeu aussi. C'est une tuerie. J'adore, et c'était drôle de voir justement Treasure revenir à un shoot'em up aux mécaniques d'antan, après avoir fait justement les Ikaruga et tout ça, quoi. C'était amusant. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Beyond Deep Peak, fort. Oui. Très fort. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, il est magnifique et les musiques sont. Ah oui, oui. Hein, sont merveilleuses. Donc, ah, c'est... Bon. Moi, je pense que ça va être. Il est l'or. Il est l'or, monseigneur. Il est l'or. Bon, bah, au revoir. À la semaine prochaine. Ça suffit, reviens ici, monsieur. Tout. Bisous tout le monde. Salut. On a tes caisses de rhum et le moelleux en otage. Salut. Les amis, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, il est temps d'écouter religieusement monsieur Petite Pelle. Ah oui, oui. Religieusement, je n'aime pas vidéo. Ça me stresse. Surtout que ça va être très court, hein, je veux dire, et je vais rester dans le thème. Non, t'inquiète pas, Petite Pelle, je mute tous les autres, je me mute, comme ça on n'entendra plus que toi. Ah non, non, ben non, faut que vous participiez. Ah ben non. Si, si, moi je veux que ça parle, hein. Ça motive. Donc du coup, bon voilà, je voulais rester dans le thème justement du shoot'em up, un shoot'em up que j'avais adoré à l'époque, et qui est justement en plus reconnu pour sa difficulté. Voilà. Donc il s'agit du troisième jeu que j'ai eu sur ma Mega Drive, oui. Le premier étant Ultimate Best, le deuxième c'était quoi ? C'était Populous, et ce troisième jeu me faisait envie parce que tous les magazines l'encensaient à l'époque comme étant le meilleur jeu de shoot'em up de la Mega Drive. C'est Hellfire. Alors je sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent déjà un petit peu le titre ou pas ? Oui. Bah, Hellfire, je connais beaucoup de chansons, mais pas... Ouais, ouais. Moi, je connais le Hellfest. Voilà, alors non, mais c'est marrant parce que le jeu, il est pas super connu, alors qu'il avait une réputation. Il avait une réputation énorme à l'époque, et comme je le dis, c'est que c'était le joystick numéro 10. Ouais. Ouais, il avait testé, Joypad n'existait pas encore, et ils avaient fait ensuite ils avaient sorti un hors-série de la rubrique Console News, qui était justement dans le joystick, où ils avaient classé Hellfire comme le meilleur shoot'em up de la console. Et à l'époque, il y avait déjà les Ginoog, les Thunder Force 3. Ginoog était bien, Thunder Force 3 était magique. Oui, ouais, carrément. Et Thunder Force 3, il y avait déjà ces titres-là, mais c'est Hellfire qui avait été choisi en première place, quoi. Alors c'est de dire à quel point le jeu était vraiment apprécié. Donc c'est un jeu qui est sorti en 90 chez nous. C'est un jeu tiré de l'arcade. C'est un jeu développé par Taoplan. Ouais, toi. Hein, c'est comme ça qu'on prononce. C'est édité par Taito en arcade et c'est Masaya sur Mega Drive. Je crois que tu connais ça, Postic. Donc Taoplan, entre guillemets, et entre autres, c'est Batsungen, Tiger Rally. Voilà, Tiger Rally, c'est ça. Ouais. Grindstormer, ou ce fameux Zero Wing aussi. Ah oui. Date, not belong to us. Petit, majoritairement, ils faisaient des shmups de toute façon. Voilà, quoi. Alors, le scénario du jeu est assez incroyable, hein. Mais je vais passer outre, hein, parce qu'il faut buter tout le monde. Voilà, quoi. C'est l'invasion extraterrestre. C'est la guerre. C'est la guerre, faut tout détruire. Mais c'est surtout sa proposition de gameplay qui était originale. C'est qu'en fait, à la base, le vaisseau donc disposait de quatre tirs différents que tu pouvais alterner à volonté en pressant sur un bouton. Il pouvait tirer sur les en haut et en bas en même temps, devant, derrière et sur les diagonales. Tu appuyais juste un bouton, à chaque fois que tu appuyais, ça changeait une des quatre positions. Vous voyez ce que je veux dire ? De oui. Tir. Et c'est avec ça qu'il fallait jongler, en fait. Ça faisait un jeu de tir très tactique, parce que le vaisseau avançait assez lentement dans les scènes de jeu. Et du coup, les phases ennemies arrivaient tout le temps à des moments précis, et du coup, il fallait vraiment retenir la cadence des ennemis et tout ça, et il fallait donc tout dégommer au fur et à mesure. Évidemment, tu pouvais upgrader tes armes avec des boosts, mais en réalité, ça avait très peu d'importance, parce que tu avais déjà tout à la base, en fait. Et rien que ça, c'était vraiment super bien trouvé. Et la version Mega Drive était même meilleure que les autres versions, parce qu'il y a une version donc arcade, une version PC Engine CD et donc une version Mega Drive. Mais la version Mega Drive était la meilleure parce que à chaque fois que tu changeais la direction du tir, t'avais une couleur différente pour le vaisseau et c'était vraiment plus pratique pour le gameplay en fait. Tu vois, pour le tir avant, le vaisseau était bleu. Le tir arrière, le vaisseau devenait vert. Et c'était une aide visuelle qui était vraiment agréable. Enfin, oui, qui était agréable, qui était bien rajoutée, quoi. À part ça, les musiques, qui étaient vraiment assez géniales. Sont typiquement Mega Drive, hein. C'est-à-dire les sons métalliques, mais je trouvais que les musiques étaient vraiment super bien trouvées, quoi. Elles étaient composées par Kawasaki, alors Bozzy que tu dois connaître, parce que c'est le compositeur des musiques de Illusion of Time sur Super NES. Hellfire, je croyais que c'était Tatsuya Uemura, moi, qui les avait faites. Comment tu dis ? Tatsuya Uemura pour Hellfire, normalement. Ah ouais, la bande son Mega Drive, c'est bien, c'est deux compositeurs, Hiroji Sawai et Yasuhiro Kawasaki. Ah bah Kawasaki, ouais. À qui on doit donc Illusion of Time et surtout Cooking Mama, non rien. Cooking Mama, ouais. Cooking Mama, c'est un bon jeu. Illusion of Time qui avait des musiques stylées, hein. Ah mais oui, mais c'est pour ça que je le précisais. Oh. Non mais j'aime bien les musiques d'Illusion of Time. Et donc voilà, donc un shoot'em up assez classique, mais qui avait une atmosphère assez géniale, des musiques vraiment vraiment bien foutues. J'avais mis un lien justement pour écouter l'OST sur YouTube, parce qu'on retrouve tout sur YouTube. Hein. Et vous allez voir, elles sont vraiment entraînantes, quoi. C'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et très très très rock, très métal. Il y en a, j'ai vu dans les commentaires à propos des musiques. Alors moi, j'y connais rien en musique métal, Beyond. Est-ce qu'il y a un groupe métal qui s'appellerait... alors, je prononce mal. Judas Priest ou quelque chose comme ça. Est-ce que le groupe qui a inventé le métal existe? Non, je viens peut-être est-ce pas. Est-ce que la musique que vous connaissez, la Compagnie Créole? Non, mais dites-moi. Oui, ah, oui, totalement. Oui. Ça existe. Hein, non, mais dites-moi que même moi, je connais. Ah bah voilà, et ben non mais rigolez pas, moi j'y connais rien. C'est, voilà, quoi. Alors évidemment ça fait rire. Alors, le chanteur original de Judas Priest c'est Rob Halford et son surnom c'est Metal God. Voilà. D'accord. Situé. Voilà. Et ben attends, mais voilà, tu vas halluciner. Parce que j'aurais écouté donc l'OST tout à l'heure de Hellfire pour dire qu'elle me plaisait vraiment vraiment beaucoup et qu'elle faisait très métal. Et dans les commentaires, donc sur la musique numéro 1 du stage 1, il y a que 6 niveaux au fait, il y a que 6 mondes. Mais bon, le jeu est assez difficile comme ça. Et du coup, dans la musique du stage 1, dans les commentaires, il y en a un qui dit oh, putain, il y a que moi qui pense à. Donc, je laisse Priest, là, machin. Et je vais écouter machin, justement la musique en question. Et ça reprend mais énormément beaucoup de passages en réalité. Mais vraiment, ça fait vraiment penser à ça. Donc voilà. Et quand je te dis que la musique fait très métal, c'est un fait, quoi. Oui, après, c'est pas... C'est... Yuzo Koshiro l'a déjà fait pour les Street of Rage. Il a repris des groupes d'électro. Oui, oui. Il le disait lui-même. Oui. Hein. C'est assez courant à l'époque. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très léger. Hein. C'est pas du tout la même mélodie en réalité. Mais il y a des passages, des sons, où je les ai reconnus, effectivement. C'était vraiment... On sentait qu'il y avait une inspiration à ce niveau-là. La Mega Drive était connue pour ses sons métalliques et qui se prêtaient relativement bien à ses sonorités. Ouais. Notamment, si vous avez l'occasion de jouer à tous les grands fans de musique, de la grande musique plutôt des années 80, jouez à Crewball, qui est un flipper avec des morceaux de Motley Crue sur Mega Drive. Vous jouez à Revolution X de Aerosmith, vous allez jouer à Revolution X. Le Spider-Man fait par NGN sur Mega Drive, qui est pas dégueu, le shmup. Pas le shmup, le beat'em up. Maximum Carnage. Voilà, t'as des musiques de Sabbath dedans, je crois. t'as pas à un moment donné The Mob Rules à un moment donné sur. Bonne question, je me souviens plus. Il me semble, si j'y ai rejoué à pas longtemps. Ah ouais. Et sa suite, c'est par Shining City. Bon, je rajoute juste une petite chose, c'est que donc la version Mega Drive est absolument fantastique, qui a eu l'adaptation, donc je disais au début, PC Engine CD-ROM, qui là est absolument abominable, mais complètement foirée. C'est incroyable. Et pourtant, elle proposait un mode 2 joueurs, chose que n'a pas la version Mega Drive, et mais la version Mega Drive se sentir vraiment mieux, quoi. Vraiment, vraiment mieux. Donc voilà. Un shmup mieux sur Mega Drive que sur PC Engine, du coup. Que PC Engine CD-ROM, hein. Mais c'était souvent le cas, c'est pour le PC Engine CD-ROM, c'est que le CD-ROM PC Engine a eu des jeux Mega Drive adaptés sur sa plateforme, mais que les versions Mega Drive étaient meilleures, comme Golden Axe par exemple. Golden Axe sur Mega Drive défonce sa version CD-ROM PC Engine. Hein. Le Wonder Boy in Monster War là. Ah bon? Bah oui, ah bon. C'est pas bien évident ce que tu fais. Bah évidemment, je veux dire, j'arrive même pas à me rappeler du titre qui. Monster Lair, tu parles? Non, Non, pas Monster Lair. Kuriman. Mais non. Arrête, c'est lequel? Mais comment il s'appelle? Il se fout de la gueule du monde. Mais oui, il se moque de moi, là. Il aime bien me voir torturé. Là, comme ça. Non, à mon avis, c'est pas encore remis du. Dynastique Hero. Dynastique Hero. Voilà, c'est Dynastique Hero. La Dynastique Hero, voilà. Dynastique Hero. Bon, voilà, j'en ai fini. Et juste pour info, Masaya, c'est les papas de l'Engrisseur. Ouais, voilà. L'Engrisseur qui ressort actuellement sur Switch. Voilà. On doit ça à Masaya et surtout à Satoshi Urushihara. Ceux qui ne connaissent pas, googlez son nom et vous verrez de très belles images. Bah Masaya, c'est aussi un éditeur. Hein. Et ils ont édité, pas seulement un développeur, quoi. Ils ont édité des trucs vraiment simples. Ah non, mais c'est un grand, grand, grand développeur. Ouais. Mais bon, je parle de l'Engrisseur parce qu'effectivement, l'Engrisseur ressort. Là, donc. C'est pas eux qui ont édité Shoaniki ou des trucs comme ça? Je crois. Ouais. C'est possible. Merci, monsieur Pell, pour ce. Ce jeu Mega Drive est un petit peu oublié parce que vraiment c'est la première génération de jeux sur Mega Drive. C'est ouais. Je me plains souvent parce que le problème sur Mega Drive, c'est quand on parle de shoot 'em up, on a juste l'impression qu'il y a toujours les trois mêmes jeux qui tournent en boucle. C'est ça. Savoir tout le monde parle de Thunder Force 3 et 4, tout le monde nous sort donc Zero Wing pour le All Your Base Are Belong to Us, alors que personne n'a jamais joué au jeu. Et on oublie Musha à l'est. Voilà. Alors, tout le monde sort dit Musha, voilà. Mais par contre, ou même à Igaïares, hein, des fois aussi. Oui, sinon, voilà, ça s'arrête là. Il y a des perles, il y a le Fire. Moi, j'aime beaucoup, donc je disais Biohazard Battle. Mmh. Le jeu oui. avec les. Ouais, ouais. Je rajoute, je mets juste la page, si quelqu'un peut la mettre, je la mets dans le Discord. Hein. D'accord. C'est la page Abandonware, là, où on voit le test du jeu qui avait été fait par JM Destroy à l'époque, justement, et où il avait mis 97% en disant que c'était le meilleur jeu Shoot the Note de la Mega Drive. Quoi. Hop, il le dit. Donc un truc vraiment, enfin vraiment, ceux qui aiment le shoot 'em up, c'est un truc à découvrir. Hein. Donc voilà. Merci à toi, Monsieur Pell. C'était très religieux. Tu n'oublies pas de jouer à la Hell Fire. Là, ça fait 2-3 étapes dans la création là, mais ouais, c'était ça, religieux. Non, mais surtout Judas Priest te remercie. Non, mais on va t'expliquer pourquoi on s'est tous marrés. Mais je sais maintenant, mais j'ai compris. C'est comme si je disais, il y a une chanteuse, Mireille Mathieu. C'est ça. C'est encore autre chose. C'est encore le stade au-dessus en fait. Mais t'inquiète pas. Ah oh, putain, je suis mal à l'aise. Tu couperas ça, Monsieur Chou. J'aimerais bien, mais je l'ai pas encore. J'ai pas encore téléchargé, donc. Voilà. Non, il va laisser parce que c'est exceptionnel. Oh non, merci à toi, Pell. Merci pour ce moment. Mais ne t'en fais pas. Nous n'avons pas le dixième de ta culture de bande dessinée franco-belge, je suis sûr. Bah, oui, non, mais on rigole, on se moque pas. Hein. C'était marrant sur le coup. T'sais. On mettra du métal, Judas Priest. Voilà, on mettra sur YouTube ce qu'ils appellent un timestamp. Voilà, comme ça on mettra le voilà, à 1h55. Voilà. Ouais, allez, voilà. Directement là. C'est terrible, putain. Mais non. Je crois qu'on a fait le tour. Non voilà, sur ces, donc, quelques notes de prêtre judaïque, nous allons vous quitter. Vous souhaitez une bonne nuit. Mais oui. Vous attendez quoi? Ah oui, pardon, excusez-moi. N'oubliez pas de follow la chaîne, activer la cloche, et appuyer sur le pouce bleu, ça peut nous aider. On voilà. a un Patreon. Non, on n'a pas de Patreon. On n'a pas de crowdfunding pour l'instant, mais ça va venir. Ne vous inquiétez alors, pas. Alors, on s'est dit que d'ici le numéro 100, on allait décider ce qu'on allait faire. Le Patreon, il allait juste servir pour le rhum de Pell. À partir de là, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Attendez, si c'est ça, ça va revenir beaucoup trop cher. Quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut pas de Patreon, avec toute la consommation qu'il a lui. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah, mais c'est 20 dernières minutes de ce. C'était les plus. Mais non, arrêtez de vous moquer. On aura pu revenir après. Ouais, on essaie. Merci à toi, Monsieur Pell. Nous t'aimons tous, même si tu es vieux. Ouais. Allez donc. Donc, ben, des bisous, les enfants. Des bisous. Merci à tous ceux dans le chat hein, qui ont participé. Merci à tous ceux qui nous écouteront en différé. Ouais. Et au revoir. Au revoir. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures. Thank you.